Alléluia, chantons gloire à Dieu. Alléluia, chantons gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia, chantons gloire. Le Fils de l'homme revient bientôt, chantons pour son cœur. Le Fils de l'homme revient bientôt, chantons tous son cœur. Alléluia, tous, alléluia, chantons tous son cœur. Alléluia, chantons tous son cœur. Alléluia, le Fils de l'homme revient bientôt. Chantons tous en cœur. Le Fils de l'homme revient bientôt. Chantons tous en cœur. Tous, tous, tous, tous, tous, tous, alléluia. Chantons tous en cœur. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur. Bien, donc, tant qu'on est pris par le temps, on va aller continuer, donc bien vous attendre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Parce que tu es obligé de tourner vers toi, et ça va te déranger là. Ça me dérange d'avoir les gens derrière mon dos. Voilà. N'est-ce pas? C'est bon. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Puissons-nous vraiment écouter la voix de l'Esprit. Puissons-nous vraiment écouter la voix de l'Esprit. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de ça. Parler comme le tournait, à parler d'argent lourd dans le temple là. Il ne s'agit pas de ça. Puissons-nous discerner la voix de l'Esprit dans le temple. Puissions-nous vraiment discerner. On peut commencer maintenant dans la deuxième partie, après la pause. Il y a un cantique que j'aime chanter, c'est parce que vous savez chanter ça, oui. L'espérance de l'évangile est certaine. Vous savez chanter ça? Oui, l'espérance de l'évangile est certaine. Ce qu'il promet, se produit vraiment. C'est lui qui. Est oui et amen et Dieu n'intervient pas un serment. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie. Persévérons dans le combat, car nous savons que notre travail n'est pas vain. La semence porte des fruits. Oui merci, oui merci. Soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pourra arrêter son corps. Notre parti n'est pas sur la terre, mais au ciel, dans la ferme céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, par force qu'il a interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit, dans la belle confession tu fis. Témoignons clairement par la vie en parole, je suis un étranger sur ce sol. Oui merci, soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pourra arrêter ni son corps. Puis nous bénissons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Christ inaugura la foi nouvelle, sois béni pour ce don ineffable. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents. Pour garder l'espérance que Dieu a donnée d'être avec toi pour l'éternité. Merci, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pourra arrêter ni son corps. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans la première partie, j'ai délivré la première portion du message concernant les églises de la Côte d'Ivoire. Ceci veut dire que je ne suis pas responsable de cela. J'ai été seulement responsable de l'achat tel qu'il l'a donné. Maintenant, écoutez très attentivement. Écoutez, donc la sorcellerie se trouve en plein milieu. Les pasteurs ont érigé des statuettes, travaillent avec des idoles comme milieu chrétien, invoquant le nom du Seigneur Jésus, accomplissant le miracle, prononçant le nom du Seigneur Jésus, mais dont le Seigneur Jésus ne les a pas établis en ces places-là, il ne travaille pas avec son esprit. Donc le seul étranger se trouve au milieu des églises, ici, de la Côte d'Ivoire. Vous êtes avec mon frère? Maintenant, la deuxième chose qu'il a dit, c'est l'esprit d'impurité, de prostitution, de cupidité au milieu de l'église. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui nous appelle donc à faire? Comment on fait pour renverser la tendance? Il a dit qu'il cherche de façon individuelle dans la repentance. Donc la dénonciation est donnée, je crois que c'est clair, le sommet de cela est donné. Ça, c'est pour la réponse. Donc, c'est clair, la réponse est présentée. C'est cette vertige qui amène cette chose au milieu. Parce que maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous êtes un serviteur de Dieu qui n'est pas. Vous n'avez pas la possibilité de dire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour reconnaître devant le Créateur pour qu'il vous dise? Parce que vous évoquez son nom. Parce que Dieu ne nous parle pas, nous avons érigé maintenant notre façon maintenant de parler de Dieu. Parce que Dieu ne nous parle pas. Cultivons la relation avec lui. Cultivons la relation avec lui. Il a dit, mes prévus, entends ma voix. Vous devez l'entendre. Si vous êtes prévus. Vous me suivez? Entendre sa voix ne consiste pas seulement à écouter le message. Oui, vous pouvez entendre sa voix au travers d'un message. Mais qu'est-ce qui s'adresse? Comment s'adresse à vous de façon individuelle? La Bible est faite, chaque personne sa Bible. Mais la façon dont vous approchez la Bible, la façon dont vous approchez de lui est différente. Dans Jésus, tu as trois, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous lisons ça, nous allons vers les païens, nous même disons ça, ce n'est pas vrai pour nous. Vous invitez les païens à venir au milieu de vous. Ils vont venir, ils vont voir que les mêmes difficultés que lui est expérimenté dans sa vie de païen. Vous avez les mêmes difficultés. Ça pose un problème. Pourtant, Jésus-Christ est la solution. N'est-ce pas? Il est la solution pour tous les maux que l'humanité puisse souffrir. C'est Jésus notre Seigneur qui est la solution. Et nous prêchons un Jésus humain, un Jésus historique, un Jésus qui ne fait pas les mêmes choses hier, aujourd'hui et toujours, malgré que nous citons ces versets. Ce n'est pas vrai pour nous. Nous avons un problème. Donc, dégageons ce qui fait obstacle entre nous et le Seigneur. Donc, c'est en cela que consiste la façon de rencontrer le Seigneur et d'être en amour avec lui. Dégagez tout ce qui peut faire obstacle entre vous et Dieu. Ces premiers problèmes-là vont commencer en vous d'abord. Il sera question d'un choc entre la parole et vos raisonnements. Et ce que vous avez dit à l'église pendant des années. Si pendant des années, vous avez fait un gourou, en quittant des doctrines après doctrines, vous devez les prêter depuis là-bas, là vous avez laissé. Vous devez laisser le Seigneur juste depuis, en suivant les hommes. Vous avez laissé Jésus depuis là-bas. C'est là où il a commencé. Il dit, Seigneur, nous avons écouté la voix des hommes croyants que tu les avais envoyés. Maintenant, nous voulons écouter de toi. Je vais écouter de toi. Je resterai ici juste du papa. Faites ça, ça sera béni pour vous et pour les autres. Quand vous allez avoir la réaction, bien étroit avec le Seigneur, bien resserré, bien clair, là vous pouvez discerner la voix de l'ennemi. Sinon, l'ennemi a plus d'un tour dans le sens. Au fur et à mesure, tu multiplies les traits vers le temps des saints. vous ne pouvez plus pisser. Vous ne pouvez pas regarder les yeux, hein? Je vais voir si on fait le miracle au nom du Seigneur Jésus. Puisque les faux pasteurs prononcent le nom du Seigneur Jésus. Alors là, si un miracle se trouve, dans ce qu'elle part, vous pouvez dire que ceci est de Dieu, ceci n'est pas de Dieu. Puisque c'est là où vous voudrez attendre que vous dites le nom de Jésus. Et aucun pasteur ne soit jamais au nom de Manu Wata. Personne ne dit venez le dimanche, venez à la croisade, recevez le nom de Satan. Tout le monde même les proches de 13 verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Venez lui le miracle, venez la traversée, venez le miracle. Les situations vont être bloquées, les gens viennent, ils donnent des témoignages. Prenez le service qui agit. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11, il dit que vous pouvez recevoir un autre esprit. Lorsque vous prêchez un autre évangile, c'est un autre Jésus qu'on a donné présent. C'est ce qu'il a dit dans ce verset 1 à 3. Alors, pourquoi on reste dans la simplicité de l'évangile? L'évangile n'est pas compliqué. Mais pour que tu l'annonces, pour que tu aies été établi l'annonce. Si vous n'avez pas été établi, votre rôle sera de vivre cet évangile. Vous avez moi? Voilà. Dieu n'a pas donné à tout le monde d'aller annoncer l'évangile. Si vous n'avez pas été appelé spécifique d'aller annoncer, c'est cette petite et petite, parce que vous allez vraiment être. Le Seigneur Jésus a dit qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole, même qu'ils auront sorti de même jour. Mesurez bien ça. Mesurez bien que vous pouvez annoncer quelque chose à quelqu'un, soit pour vous l'envoyer dans la possibilité. Et il devrait vous porter derrière et amène là-bas. Combien de personnes ont vu la théorie devant la, derrière la venue du Seigneur Jésus Christ depuis 1992? Combien? Mais qui est l'initiateur? Il va rendre compte devant le Seigneur. Parce que la parole nous a déjà dit qu'on ne serait pas à lui connaître cet homme. On peut avoir les six avant-coureurs, les éléments qui entourent. Il dit quand vous allez voir ces choses arriver, soyez prêts parce que vous ne devrez pas entrer en scène. Donc pour nous, c'est nous préparer. D'accord, frère? Donc Dieu bénisse. Si très souvent je prêche, je suis difficile, je suis dur, et mes parents, mais si je dis ça directement de cette façon-ci. Parce que si on ne veut pas vous engager, ça ne servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Chacun se réveille. Soyez prêts avec vous-même. Si vous êtes un faux croyant, dites, Seigneur, j'ai été faux. Je me trompais moi-même, j'ai trompé les gens. Arrêtez. Demandez pardon, Seigneur. Attendez pour que vous fassiez ce qu'il y aura destiné pour vous. Et commencez par à mettre à la place que Jésus a dit. Jésus a dit, Jésus vous a dit déjà parlé de façon directe. Si c'est non, taisez-vous. Ou bien dites. Le message, voilà, j'ai dit, donc je ne suis pas l'auteur de cela, dites comme ça. N'allez pas dire que Jésus m'a dit, Jésus dit ici. Ne dis pas ça. S'il n'a pas dit. Parce qu'on va rendre compte. La Bible est là dans sa vie, c'est dans sa propre chapitre 21, verset 27. Il n'y a un grâce pour être plus Jésus. Ni personne, c'est ni homme, dans sa volonté, c'est le mensonge. Donc tu ne peux pas rentrer avec le mensonge. Monsieur le frère, donc que Dieu vous bénisse. Maintenant, je peux avoir ça la deuxième partie. Je vais parler du vêtement. Je vais parler du vêtement. Le vêtement. Matthieu, prenez le livre de Matthieu. Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 29. Donc, nous allons le livre de Matthieu, chapitre 29. Chapitre 27. Tout ce que je vais vous dire là, vous les connaissez. Mais il faut que l'esprit soit révélé comme il a révélé l'esprit de Jésus. Parce qu'en réalité, ce qui manque, c'est la direction. Ne cherchez pas un porteur de vision. Non. Ne cherchez pas un porteur de vision. Cherchez le Seigneur Jésus. Cherchez le Seigneur Jésus. Si vous cherchez, peut-être que ça va me dire quelque chose. C'est que le Seigneur m'a fait comprendre depuis des années. C'est que beaucoup de personnes, là où ils font le voir, c'est qu'ils cherchent le Seigneur qui fait le miracle pour être vu des autres. C'est-à-dire qu'ils cherchent, ils souhaitent que le Seigneur les utilise pour qu'ils accomplissent le miracle, pour que leurs épaules se faussent. Vous voyez? C'est terrible. C'est terrible. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient d'avoir une personne sur vous, qui va d'abord respecter le caractère. C'est pour cela. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Il vous moule d'abord. Pour que lorsqu'il viendra en vous, qu'il y ait plus de grâce dans vous. Pour que vous compreniez que ce n'est pas vous qui faites cette œuvre-là, c'est lui qui vous avez levé. Pour que toute la gloire lui revienne. Je sais pas si vous comprenez. Donc, cette façon de faire, chercher Dieu, parce qu'on va aller au tel qu'il est faux. Non, ne faites pas cela. Parce que notre but, ce n'est pas de montrer tel est faux, tel est faux. Non, notre but, c'est de plaire au Seigneur Jésus. Vous avez moi, frère? Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 25, et puis nous allons lire selon le sexe qu'on est obligé dans autre passage. Mais c'est pas ça, tous les attaques. Je pourrais me tenir ici, je vous dis seulement que c'est chose du royaume du vêtement. Je dis à dans la langue du royaume, si vous comprenez, vous verrez que c'est écrit dans les Écritures. Vous parlez, c'est écrit dans la chambre de nos, dans le salon de nos, comment le problème est, à quoi ça sert à le faire avec le vêtement. Je vous dis ces choses-là. Mais je vais aller avec les comme dans l'école. Je prends dans le verset, j'explique en ouvrant dans les cieux pour vous. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites au convier, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, donnez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait celui-ci à son champ, celui-là à son travail. Et les autres saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, envoya ses troupes, puis périt ses meurtriers et brûla leur vie. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu une habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir des habits de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Amen. Amen. Vous avez suivi la conclusion de ce passage-là. Vous avez suivi. Ça devient dans la méditation. Si vous saisissez ce que le Seigneur dit après avoir dit cette parabole, vous devez vous poser des questions sur votre christianisme, sur votre vie chrétienne. Il y a plusieurs appelés, peu de lieux. Dit le Seigneur. Et nous prêchons. Vous me dites ça chaque fois qu'il y a plusieurs appelés, peu de lieux. Mais méditez bien sur ce que ça dit. Méditez après à l'issue de cette parabole dont nous allons partager le temps. Il dit qu'il y a plusieurs appelés, peu de lieux. Vous êtes d'accord à côté? Peu de lieux, plusieurs appelés. Vous devez répondre à la question, la méditation dans vos situer dans votre cas. Il ne dit pas ça à autre personne. C'est que tu lis des conseils. C'est des conseils à plus propre parce que tu es vivant. Vous devez répondre à la question, de quel côté suis-tu? Maintenant, c'est par rapport à un conseil clair. La vie chrétienne, nos dommages, la rédemption et la célébration à l'issue de la rédemption pour tous les siècles que nous attendons. N'est-ce pas, frère? Vous êtes avec moi? Vous me comprenez? Okay. Cette parabole-là concerne principalement la célébration de la rédemption, n'est-ce pas? Okay. Cette chose-là se passe où? Ça va se passer où? Au ciel. Maintenant, je veux qu'on prenne particulièrement un nom. Cet homme se trouve là-bas sans revêtement. Je vais vous parler du vêtement, parce que c'est pourquoi le Seigneur est venu. Le Seigneur Jésus est venu pour nous donner le vêtement des noces. Je vais vous assurer d'avance, c'est avant d'avance. Il dit, le Seigneur Jésus est venu pour nous donner ce vêtement des noces. Il faut qu'on voit qu'on s'en a maintenant en plein dans la Bible. Alors, il dit, les noces sont prêtes, mais les convivés n'en sont pas dignes. Jésus dit, ok, le roi dit, allez dans les rues, prenez les rues. Prenez ces choses dans les rues, que tout le monde entre dans sa salle, n'est-ce pas? Donc, la voix sort pour appeler. Les gens viennent à l'issue d'entendre de cette voix. Et à l'issue d'entendre de cette voix, les gens sont censés recevoir des vêtements. N'est-ce pas? Cette personne, je m'attends très attentivement dans cette parabole, il n'est pas dit que celui qui est dans la salle a fait le bien pour le mal. N'est-ce pas, frère? Il est dit, quand tu vas aller dans les rues, prenez pauvre et méchant. Donc à l'intérieur, on n'était pas à cause de la méchanceté ou à cause de la bonté. À cause de la grâce souveraine. N'est-ce pas vrai? Ça pose donc un problème ça peut vous poser un problème de paix. Si ce n'est pas la souveraine, comment cette personne n'a pas pu avoir le vêtement? Il est là. Vous devez répondre à cette question. Mais malgré l'attachement qui n'est pas resté dedans pour célébrer. On l'a mis à nous faire. Dehors. Le Seigneur Jésus ne veut pas dire aux gens qui vont entendre le roi de Dieu et là-bas il va faire les inspections. Puis il va dire ah, ok, on sera pour un en affaire. C'est pas ce qu'il a de le dire. Il a dit même l'accent sur la nettoyauté. Vous comprenez ce que je dis l'histoire? Ah, mais ça n'existe pas, je prends aujourd'hui. Sur le fait que vous devez être nettoyé pour être là-dedans. Et il a dit la condition, c'est le vêtement. Oui, tout à l'heure, dans la première partie, j'ai cité après le chapitre 19, verset 16. Il dit son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir. Mais encore, comme la Bible ne dit pas là. La Bible ne dit pas que son épouse a porté de ses vêtements. Non. Vous n'avez pas les vêtements pour acheter. On doit vous donner. Voyez, il lui a été donné de se revêtir, de faire un éclatant pur. Donc ça doit lui être donné. Mais ça se fait par grâce, pas le moyen de la foi. La question c'est comment cette personne qui est transmise dans sa vie, mondaine, et quand la foi l'a appelé, comment il a rempli le vêtement pour dans la foi, mais ce n'est pas grâce. Comment? Et déjà, c'est quoi ce vêtement? Qui c'est ce vêtement? Qui est ici? Je vous en dis. Vous m'avez dit de me comprendre depuis, non? C'est comment le sort de saint se manifeste mieux, comment vient le sort de saint dans la vie de quelqu'un, parce que nous avons convenu que ce n'est pas le fait que c'est fait le bien ou le mal qui se retrouvait là-dedans, mais d'après aller trouver les méchants et les bons. Il y a un vêtement qui aura apporté. C'est vêtement après un vêtement de la justice. Voyez, pour montrer que le sang de Jésus a parlé aussi pour vous. Ça a été appliqué avant de vivre. Dans la sainteté. Est-ce pas vrai? Ça veut dire que les péchés lui sont reprochés. Ça veut dire que celui-là, ses péchés sont retenus. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pour être disqualifié? Vous devez poser le problème. Mais je pense que ça va vous donner une parabole dans la Bible. Vous avez une idée là-dessus, frère. Quand vous voyez ces choses-là, posez la question à cet homme. Mon ami, comment es-tu entré ici? Le roi le plus supprimé. Comment tu peux entrer ici? Comment tu peux appeler le nom du Seigneur Jésus-Christ en vivant dans l'illimité? Comment? Quiconque prononce son nom, qui se noie, de l'illimité. Et toi, tu es quelqu'un qui n'a pas d'illimité. Tu dis, moi, je ne trouve pas que ça, c'est le péché. Le standard n'est pas à notre niveau. C'est lui qui élève le standard. Il dit, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Dégagez pas le péché. Dégagez pas le péché. Recherchez la paix. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous lisons. Nous ne posons pas la question. Suis-je en paix avec les uns et les autres? Il dit sans la paix. Deuxième condition, la sanctification. N'espérez pas le Seigneur. N'espérez pas le voir. Nous sommes en tout coup au-delà, en but au-delà, souillés dans nos consciences et nous évoquons le nom du Seigneur Jésus. Donc il faut le vêtement de la justice. Vous allez me faire. Il faut le vêtement de la justice. Lorsque ce vêtement de la justice est là, le Saint-Esprit souffle sur vous. Vous scellez vos cœurs pour la rédemption. Écoutez maintenant la propre parole. Il dit afin de lui présenter cette église sans tâche ni ride. Après qu'il présente cette église là, sans tâche ni ride, ni rien de semblable. Il présente ça comment? Après l'avoir purifié. Après l'avoir purifié. C'est après la purification que vous pouvez être présenté au Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc, il est nécessaire que chacun regarde ce style de vêtements de porc. Il est nécessaire. Reconsidérez vos vies maintenant. Reconsidérez si vous avez vu selon la tradition des hommes ou bien selon la volonté du Seigneur. Si vous êtes appelé par grâce, continuez dans la grâce. Cette grâce nous enseigne à fuir les mondanités, à fuir les choses de ce monde-ci. Mais les chrétiens sont dans le corps de Christ, entre guillemets, disant qu'ils sont dans la grâce, ils vivent selon la chair. Et la Bible déclare que la grâce a ses enseignements à elle. La grâce a ses enseignements. Elle nous enseigne à fuir la mondanité, les impurités. La grâce nous enseigne à fuir. Nous vivons à l'air en disant que non, c'est la chair qui va être détruite. De toute façon, la chair va être détruite. La chair est vite détruite. La chair, ce n'est pas elle qui promet le péché, c'est votre âme qui le problème. Votre âme doit être détruite. Si votre âme est en repos, posez-vous des questions. Comment j'ai encore cette intention sexuelle, toute cette pression là en moi, parce que l'âme n'est pas régénérée. C'est pas la chercher, c'est la résultat de ce qui la pression qui se met sur votre âme qui se résout à l'intérieur. Donc c'est pas la chair. Vous voyez? Un pierre. Dieu bénisse. Chapitre 2. D'une à partir de ces ordres. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Merci. Vous avez juste ce que la prophète a dit. Il dit bien aimé, ça c'est au croyant. Bien aimé. Et les chrétiens des autres époux sont intelligents de la de Paul, la prophète. Il dit je vous exhorte comme voyageurs, sachant que vous êtes passage sur la terre. Abstenez-vous aux convoitises charnelles. Qui font la guerre à qui? La votre âme est le problème. Vous donnez un homme en échange de son âme. Venez avoir tout ce qui est fatigué, échangez-vous de l'eau et de votre foi. C'est l'âme qui est le problème. Donc la source de vos difficultés se trouve dans l'âme. N'essayez pas de cacher le péché. Ça ne va pas aller de la solution. Allez devant le Seigneur, délivre-moi. Priez pour la force pour qu'il me délivre de ces corps de mort. Jusqu'à ce que vous compreniez maintenant qu'il n'y a plus de problème maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair, mais selon l'esprit. C'est pour ceux-là que vous n'avez pas la condamnation. Donc si vous marchez d'après la chair, il y a la condamnation pour vous. Malgré que vous allez citer la Bible en disant si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature dans ce cas, comment vous pouvez entrer dans la connotation? La nouvelle création vit dans la connotation. Et la Bible dit que nous ne viennent plus vivre entre là. La connotation va être le royaume. Aux autres le vrai que son frère. Il faut le vrai. Sinon, ce jour-là, il va dire, je ne te connais pas. Souvenez-vous, ça ne consiste pas à connaître les versets. Même le connaissance, c'est ce qu'il s'en dit. Même le connaissance, c'est l'enlèvement à rire. Même on comprend que Jésus, il y a trois avènements. Il y a des avènements pour le Jésus, et ainsi de suite. En connaissant toutes ces choses, ça ne fait pas que tu parles d'avènement. Même si tu as dit le jour de l'enlèvement, et que ça t'est révélé que l'enlèvement, c'est tel jour que tu as fait. Exact. Absolument, ça ne fait pas que tu parles d'avènement. Parce que ce n'est pas connaissance de l'enlèvement qui nous enlève dans l'enlèvement. Il y a des réglages dans la parole pour amener dans l'enlèvement. Vous comprenez cela? Voilà. La Bible est en fait, Éphésiens chapitre 5, que n'assistez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit scellé vous amène à vous, à la rédemption. Donc sans le Saint-Esprit, vous ne partirez pas. Matthieu 25, c'est dans le deuxième passage. Donc il faut que l'église soit nettoyée. S'il n'y a pas cette purification, il ne faut pas le remettre. Ce n'est pas possible. Vous allez continuer à vivre dans la région. Condamner les uns, condamner les autres, condamner les uns, envoie la flèche. Donc le temps qu'on fait, on va les faire les uns sur les autres. On va passer le temps à envoyer les flèches sur votre propre vie. Sur la voyons devant le Seigneur dans la répentance. Même si ça prend 2 ans, 3 ans, 15 ans, ça sera nécessaire pour vous. Pour que vous sachiez à quel moment vous trouvez et comment vous êtes devant le Seigneur. Regardez le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vous regarde comme il veut vous regarder. Vous me suivez, frère, restez devant lui. Ne faites pas figure devant les gens, vous souffrez les frères chrétiens, alors qu'enfin vous savez que vous souffrez par derrière. Ça vous sert d'aucune utilité. Vous vivez droit devant le Seigneur, c'est pour vous. Vous vivez mal, c'est pour vous. Vous trompez les gens, c'est pour vous. Verset 1 est suivant. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui, ayant pris le lion, allait à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient forts et cinq sages. Les forts, en prenant le lion, ne pouvaient point vivre avec elles. Mais les sages prirent avec leur lion de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toute sa soupire et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes les vierges se réveillèrent. Et préparer le lent. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car la lampe s'éteint. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Amen. Terrible encore. Écoutez, tu l'as présenté pour voir. vous êtes champion de l'île de l'ONU. Là, sur la terre, vous êtes champion. Passez le temps, priez la nuit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de l'île de l'ONU. D'accord ? Je vais parler de qui prie mieux la nuit que les autres prient. Ce n'est pas ça que je vais parler. C'est le message de Dieu. La vie de Dieu, l'écriture et l'esprit de Dieu pour vous corriger ensemble. D'accord ? C'est l'écriture de Dieu. Je vais prendre un examen verset après verset. Passage après passage, c'est que la Bible dit, je vais nous poser des questions, on va répondre, et au lieu à l'issue de cela, nous serons éclairés si ce qui nous attend, ce que nous sommes censés faire, et ce qu'il ne peut pas faire. D'accord ? Combien de gens y a-t-il ? Il y en a 10. Moitié, ne pas dire qu'il y aura une fois quantité qui sera comme ça à l'égalité. C'est pas ce que la Bible dit. 500 comment ? 500 Maintenant, je lui pose la question sur ce qui est ça. Pourquoi la Bible appelle les sept autres ça? Pourquoi? Dans ce passage. Parce que la Bible est là, c'est vierge. C'est d'abord la première chose. Oui, non? Parce que elles se sont préparées. Maintenant, elles se sont préparées. Elles sont prêtes, n'est-ce pas? Il y a plusieurs choses qui sont jouées ici dans ce Matthieu 27. Le niveau fondamental, c'est que toutes les vierges, soit folles, soit sales, sont vierges d'abord. Nous sommes d'accord, on parle des églises, n'est-ce pas? Vierges, parce qu'elles ont reçu la parole, n'est-ce pas? Ça veut dire que la parole les a purifiées. Donc, connaissez la parole, ça ne sert absolument à rien. C'est n'est que le début. Il faut avoir ça. Il faut que la parole arrive au niveau où ça amène l'esprit. Parce que la parole est censée être un esprit. Il dit, pas vrai, si ce n'est pas un esprit, ça reste l'être mort. On est encore dans la loi, assis dans la chaise de Moïse. Il faut que l'esprit prenne la parole et point pour vous. Si ce n'est pas comme ça, vous allez faire, vous allez trouver la farine sans saluer. Ça ne marchera pas. Alors écoutez tout attentivement. On dit, le roi est semblable à 10 vierges qui attendaient bien. Comme l'époux à terre a venu, tout ça suffit. Donc la Bible dit, elle est sage, elle est forte, ce sont en ordre. Donc la prophétie biblique fait que si ce n'est pas la grâce d'une personne, c'est le prêtre sur la terre. Mais la Bible dit, comme tout ça suffit, le problème ce n'est pas la puissance. Le problème c'est que la Bible nous a l'air d'être sans lucien, soit que nous veillons, soit que nous dormons, soit que nous appartenons au Seigneur. Ça veut dire que l'enlèvement va avoir lieu. Certaines personnes dans l'obscurité seront en train de dormir, comme là maintenant. Vous voyez ? Certaines personnes seront en train de dormir. Certaines personnes seront dans l'obscurité, dans le globe. Alors que nous sommes en Côte d'Ivoire maintenant, un jour, en Chine, il fait nuit là-bas. Donc cela le moment a lieu maintenant. La personne qui est en Chine sera prête. Tu peux prendre sur le lit. Parce qu'il a dit, deux seront sur le lit, donc c'est en condition de sommeil. L'un sera pris, l'autre laissé. L'un sera dans le champ, non pas dans le champ, en jour. À ce même moment, se trouvent des gens dans la nuit. C'est vrai. Alors, ça veut dire qu'on ne veille pas maintenant dans le monde comme ça. C'est pas comme ça qu'on va nous voir les yeux. Ça va te surprendre, ça va te tes yeux sont ouverts. Quand tu vas fermer les yeux, c'est un nez plein. Quand tu vas faire comme ça là, on voit les yeux te briller encore, c'est pas comme ça qu'on veille. D'accord ? Maintenant, on dit 5 étaient sages, 5 étaient forts. Maintenant, comment les putardés à venir là, tout ça s'appuie. Mais au milieu de la nuit, je ne parle pas de plus de minuit, au milieu de la nuit, une voix cria, voici le bout. C'est le moment d'entrer. Ok, c'est le moment d'entrer. Vous avez persévéré. Parce qu'il avait dit que ça va venir, c'est subit. C'est proprement. Voyez proprement, subitement. Personne n'a une surprise générale. Proprement. Allez. C'est comme chez les militaires, comme l'homme de ses. Elle est au prix du commandement. C'est celui qui a le cordon, la troupe, il doit réagir instantanément à l'issue de ces clients-là. D'accord ? Alors on dit, voici le coup, allez à sa rencontre. Maintenant, si vous ne connaissez pas la conclusion, comment aller à sa rencontre ? À cet instant-là, seras-tu prêt ? Ou est-ce que vous vous préparez avant que ces clients-là n'entrent, n'est-ce pas ? Maintenant, là, je fais une approche maintenant sur le prix du minuit. Et pour que vous priez là maintenant, vous êtes préparés. Et puis que le cri a retenti, vous êtes préparés. N'est-ce pas la confusion? Ça ne met pas à vous. N'est-ce pas la confusion que ça nous attend? On a un peu crié de Dieu. Est-ce que vous êtes préparés dans ma gueule? Parce que la annonce qu'on a. N'est-ce pas? Voici le coup. Allez en s'en rendant. On dit que ce cri-là a réveillé. N'est-ce pas, frère? ce qui a réveillé non seulement les sages, mais aussi les forts. Donc, et les sages, les forts sont réveillés à l'issue de l'église. Donc, Dieu prépare une parole sur la tête qui va bouleverser l'église. N'est-ce pas, frère? Je vais encore me faire comprendre. Je ne suis pas de prêcher la doctrine de quelqu'un. Nous avons l'obligation de parler selon ce qui est écrit maintenant. Donc, si vous avez l'obligation d'aller à la limite d'une bougie, je m'en excuse. D'accord, frère? Mais je vais dire cette façon-ci. Alors, une parole va venir sur la terre pour réveiller les églises. Je vais dire de cette façon. C'est ce qui est écrit là-bas. Une voix va venir sur la terre. Tout s'est réveillé. Tout s'est réveillé. Elle est sage. Elle est forte. Alors, les sages se sont réveillés. Elles étaient prêtes. N'est-ce pas, frère? Vous savez, moi, c'est comment là? C'est où? C'est allumé, non? Merci. Donc, lorsque le prix a eu lieu, lorsque le prix a rétabli, la Bible déclare que tout s'est réveillé. Que vous remarquez, la que tout s'est réveillé. Maintenant, qui sont les hommes réveillés sur le plan physique, sur le plan universel? Quels sont ce qu'on appelle les vieilles forces de vie? Qu'est-ce qui pourrait arriver sur la tête des vieilles forces? Vous me comprenez, frère? Je vous pose la question. Qui est-ce qu'on peut considérer comme vieille pour la parole après qui vieille fort? C'est qui? La dénomination, les catins, ceux qui sont privés d'esprit. C'est qui? Ceux qui sont privés d'esprit. Ok. Maintenant, vous savez, tout le monde sur la terre, après le nom du Seigneur, nous sommes dimanche, c'est la preuve après nous. Pas vrai? Pendant que vous allez à la voie de lui de prière, d'autres sont allés rentrer. Après, l'autre de regarder la Bible, il ne te salue même pas en tant que son frère. Vous ne vous saviez même pas. Le baptiste, le catholique, il est perdu. Pendant que le catholique, c'est le catholique, le premier jour, c'est le premier jour, ils sont forts. Donc, il y a des gens qui la chrétienté pour lui. Pas vrai? Alors, je pose la question, qui est vieux fort, qui est vieux sage? Vieux fort, vieux sage, c'est deux groupes, des gens qui appellent le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais qui, d'autres n'ont pas de conditions dans l'autre, c'est du tout, n'est-ce pas? Maintenant, regardez très rapidement. Quand les plus salés, tout le monde prie les langues, n'est-ce pas? Mais le problème, c'était les langues des uns et des autres, c'était éteint. N'est-ce pas? Alors que même la lampe était restée quoi? Allumée. La lampe, c'est quoi, frère? Dans la Bible. La parole. Dans la parole. Pourquoi la parole n'avait pas été éteinte? N'est-ce pas resté l'aide morte pour les sages? À cause de lui. Et lui, là, c'est. Tu veux lui poser des questions, frère? Posez-vous des questions. Si vous lisez ça chaque fois, vous pouvez toujours dire que l'homme a dit, celui-ci a dit, et d'autres ont dit, celui-ci a dit, posez-vous les questions. Et vous, qu'est-ce que vous en dites de vous-même par rapport à ça? Vous connaissez que c'est la parole. Vous connaissez que la parole, c'est la lame. Et que la lame est censée être éteinte, il n'y a pas lui. Ça vous pose pas une question, frère? Ça vous pose pas une question? Vous devez poser des questions. Ma lame a-t-elle lui? Ma parole a-t-elle accompagné l'esprit? Posez-vous des questions. Si vous avez pour répondre non, vous appartenez automatiquement aux catégories de vieilles forts. Même si vous prêchez cela. Nous avons le problème de temps, frère. Donc, il faut le réveiller. Il faut le réveiller. Il faut le réveiller personnel. Pas le regroupement. Non. Il faut le réveiller personnel. Réveillez-vous. Préparez-vous le Messie à la porte. Préparez-vous. On se lève pour pouvoir aller pour qu'il mette le réseau. C'est votre père qui doit être purifié. Il faut que toutes ces choses sortent. Alors, on a prié. Voici de vous, allez à sa rencontre. Tous ceux qui ont pris le là. Les pauvres ont remarqué que la parole sans le péché. Ça veut dire qu'ils vont prêcher dans les mots. Prêcher les choses générales du royaume, mais sans l'accompagnement de l'Esprit. Maintenant, regardez très attentivement. Pour que vous voyez là, le niveau nous situons dans le Saint-Esprit. Ils sont donc venus vers les sages pour dire. Donnez-nous un peu de votre vie. Nous voulons un peu voir comment vous faites pour manifester le Saint-Esprit. Ils ont dit, on n'a pas le temps d'apprendre encore ces choses-là aux gens. Allez aussi acheter ce qui est en vente. Donc, si vous aimez les miracles, vous aimez avoir l'esprit, allez chez les barabous. Et nous sommes en donc, la Bible dit, comme au moment de la venue du Seigneur Jésus-Christ, les gens qui ont la parole sans vie vont aller acheter l'esprit chez les barabous. Nous sommes en plein là-dedans. Vous me suivez? Allez acheter ce truc en bas. Il cherche quoi? Il cherche quoi? Il cherche lui. Et on lui dit, allez acheter. Or, ceux qui sont prêts avaient acheté gratuitement de Jésus. Parce qu'il leur avait annoncé l'or. Venez, on a vu ça aujourd'hui dans Isaïe 57. Venez acheter de moi de l'or gratuitement. Ils ont eu le temps de le faire. Et le temps de le faire, ça veut dire que quand vous avez ces choses-là, cette pluie-là, que vous donnez, vous ne donnez pas la voix de vous partir. Donc la condition sine qua non pour être prêt, c'est avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Vous l'avez été, vous avez le temps, si vous en avez vu. Donc voilà, donc c'est à quoi vous devez vous attendre à faire. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous oubliez qu'est-ce que vous faites là, parce que ça ne vous servirait à rien de développer toutes les théories. C'est sur ça donc que vous serez des scandales. C'est pour ça que vous comprenez. Alors, les vieilles femmes sont entrées à cause de lui. Lui, leur a été donné. Donc il est là pour qu'il puisse être dans la table de la vie du Seigneur. Ce n'est pas pour rentrer dans Dieu, on donne lui pour être préparé. Parce que la Bible déclare donc que ce ne sont pas seulement les vieux qui seront vivants. La parole a dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, vous voyez, c'est un mystère. Parce que d'autres personnes ont attendu pendant des siècles et n'ont pas pu se faire. Pour coucher dans la mort, le sommeil là, pour être vivant, ça ne change rien par rapport à l'argument. C'est que le Saint-Esprit vous a donné, enfin, vous ne mourrez plus jamais. Vous voyez ça? Donc il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Sinon, en fait, nous pouvons en plein là-dedans, les pasteurs vont acheter lui. Ils vont acheter l'Esprit qui fait les miracles. Et ils corrompent même les vrais enfants du Seigneur. Il y a d'autres qui disent, pourquoi tu fais les miracles parce qu'il vient avec ta main. On amène là-bas, ça va le Saint-Esprit. Ils commencent à profiter de l'Esprit Saint-Esprit. Donc c'est que la Bible a chassé dans la vie, il ne va pas te prendre pour avaler. Vous avez ma frère? En priant, voici mes mots, allez à sa rencontre, tous se réveillent et puis les larmes. Les faux disent au sage, donnez-nous de votre lieu. Parce que notre langue, c'est terre. Il n'y a pas de manifestation chez nous. Vous voyez? Parce que nous avons compris que chez nous, il y a l'esprit. Comment faire pour avoir cet esprit-là? Okay, donc, vous allez voir, allez faire l'étude théologique juste là. Allez voir les paramètres. La Bible déclare de marquer très attentivement. On dit que malgré que la vie du Saint-Esprit sera proche, les gens détruisent de plus de la voie, c'est pour aller chercher les autres voies pour pouvoir avoir l'esprit. Il dit que pendant qu'ils y allaient, on doit chercher la voie de l'esprit chez les marabouts frères. On doit aller acheter ça en dehors du Seigneur Jésus. On dit pendant qu'ils y allaient. Donc il y a des gens, comme on va chercher ça pour préparer par l'allemand, ils seront de quelque chose contraire à la volonté du Seigneur. Qui est vrai sage, qui est vrai fort, vous devez répondre à la question sur vous-même. De quel groupe vous vous trouvez? Parce que si vous êtes de l'église, vous appelez le meilleur nom de Jésus, vous vous trouvez dans un groupe. La réalité, c'est vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, à Satan et à Dieu. Satan vous connaît. Vous vous connaissez et vous connaissez mieux et nous mieux à nous Satan. Et c'est le jour où il y a l'enlèvement que tu vas chercher la le changement avec la chute dans un champ. C'est là que l'esprit pour eux, qui va te lever, c'est avec moi qui est pété. Va commencer à fonder les bénéficiaires. Il n'y aura plus nulle part à s'attacher sur la terre. Tout le monde, tout ce qu'ils disent, vous savez ce que c'est. D'après ça, le moment de jugement et de grâce de sur l'église, sur terre. Alors, il ne peut pas, vous n'y entrez pas, il n'y a pas de ralenti. Il n'y a pas de. La Bible déclare la suite plus tard. Ils ont dit, oh Seigneur, aujourd'hui, je le sais, vous vous êtes. Parce qu'ils ont intégré sur la terre, Seigneur, on combat maintenant, on est mal barré, on n'a pas eu le temps de se préparer. Non, le temps est terminé. Et souvenez-vous, c'est le Seigneur qui fait la mort. Donc quand il ferme la porte, quand il ferme la personne, je peux ouvrir. Il n'y a pas de prédication. Ton intercession, c'est terminé. Donc pendant tout le temps, tâchons de le retrouver. Pendant qu'il se trouve, cherchons-le. D'accord, frère? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que c'est l'écriture. Alors maintenant, souvenez-vous de ceci. Avant que l'équipe ici pour rentrer dans mon pays, je vais allumer le feu. Vous le peuple de je vous le dis au nom du Seigneur Jésus. Vous ne serez plus même. Quand vous allez écouter cette voix, vous ne serez plus même. J'ai dit, quand vous allez écouter cette voix parler, vous ne serez plus même. Votre vie spirituelle commence la révolution maintenant. Amen. Donc écoutez ça attentivement. Samedi, nous allons nous rencontrer. Donc, préparez-vous. Si vous n'avez pas eu à jeûner, nous allons jeûner ensemble. Prenez 3 jours de jeûne, le samedi on prie. Prenez 3 jours respectant la repentance avec le Seigneur. Demandez au Seigneur de vous pardonner tous les mensonges, les choses que vous avez dit de votre corps pour être libéré à l'impurité, toutes ces choses. Demandez au pardon pour vous purifier. On va se réunir ici, ça ne va pas prier. D'accord, frère? Oui. Bah, on arrive au siècle où la nuit, nous flatte les mains. Frère, j'ai une nuit, de 6 à 6 heures, là, je parle de 3 jours sans manger, sans boire, sans fonction du palais. Donc nous sommes samedi. Vendredi, jeudi, donc jeudi matin, quand vous revenez, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas jusqu'à ce que samedi arrive. D'accord, frère hein? Comment vous regardez votre voisin? Vous avez fait ça ici? Ok. Donc, faisons ça maintenant ensemble. chacun pour sa part, je demande de rester dans la prière. Arrêtez de le faire au hasard. Arrêtez. Restez dans la parole. Restez avec le Seigneur. Seigneur, aime miséricorde. Aime miséricorde. Aime miséricorde. Pardonne-moi. Ça n'est comme ça n'est pas rempli. Amen. Donc, de façon, vous montrez, vous descendez, vous serez plus même. D'accord, frère? Parce que le Seigneur, ses enfants, ça ressort en plus partout. Partout, il y a l'existence. Il va faire venir ses enfants. Il va faire venir ses enfants. Ne vous attendez pas qu'il vienne en tournant sur la terre. C'est ça qui a fait que les gens, vous allez sur Internet, les gens sont dans les sensations, dans les révélations. C'est qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui allait en enfer. Il a vu l'enfer. Il a vu le paradis. Il y a des effets d'attention à l'enfer. Jésus a dit qu'ils ont sur la terre Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Si les écoute, ils viendront là-bas. Donc la prédication qui amène, c'est pas la prédication qui vient de l'enfer. C'est la prédication de la parole. Pas vrai? Voilà. Donc maintenant, vous allez aller. Ah, j'ai un ange. Je vais ici. La porte pour lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, disons sur la verset 6. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 14. Voici ce que moi je souhaite. Je souhaite partout où ça devait passer. Que le Saint-Esprit détache les chaînes de Satan sur les enfants du Seigneur. Afin qu'il nous serve dans la sainteté, dans la gratitude, dans la justice. Comprends sur toi. Vous marchez, je vois pas comment ils vous regardent. Beaucoup d'entre vous avez le corps aussi. Vous regardez, c'est le corps. Mais vous êtes là où chantez, alléluia, là où chantez, cantique. Il m'a libéré, il m'a libéré. Vous êtes dans les chaînes. Ça ne peut pas avancer comme ça dans la vie de Dieu. Vous allez tenir à Rome. Parce que vous êtes en captabilité. Il faut qu'on vous délivre. Chapitre 14, verset 16. Verset 6. Et maintenant, frère. De quelle utilité vous serez si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Vous avez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a d'utilité de venir vous parler en langue? Je parle en langue ici. Si je ne parle pas par doctrine, par révélation. Vous voyez, ce sont des choses qu'on devait laisser. C'est ce qu'on appelle à l'église. Il faut construire pour être prêt pour l'avènement. On vient s'asseoir, je viens vous prêcher. Vous cherchez les messages pour essayer de voir, pour parler contre un frère. Parce que vous avez un petit sentiment. Vous avez entendu qu'il a fait avec quelque chose. C'est ça qui fait le fait de prédication. C'est pas ça le prédicateur. Le prédicateur, on de l'esprit, il a les choses de l'esprit, au moment opportun de l'esprit, lui donner la nourriture convenable, il faut. Vous comprenez ça, frère? Voilà. Et c'est sans cette nourriture-là qui est bien pour notre âme. Sinon, vous allez entendre que vous êtes écolo. Vous pouvez être écolo parce que vous avez vu que c'est mis en colère. Ça ne résout pas le problème. Ça va le pousser à l'enthousiasme parce que c'est de lui qui lui parle. Mais si on sait que tu lui adresses la parole, il lui se met sur ses genoux pour lui demander pardon. Donc, nous sommes prêts pour les jeunes de 3 jours. Amen. Mais bon, voir amen. Comme moi, on a la même droite. Amen. Donc, nous tous, nous allons jeûner, nous allons le trouver sur sa nuit. Ça veut dire que ça soit prêt pour vous. Si pas, vous n'avez pas compris. Ça veut dire que. À checker. Allô, vous venez de prendre n'importe quel coco que vous avez. Depuis jeudi là, vous ne mangez pas le matin, quand vous réveillez, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Donc, jeudi matin, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. La nuit, vous dormez comme ça, même si à tiquer passe votre côté, vous ne regardez pas. D'accord? Le lendemain matin, vous levez, vous me levez comme ça, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas mourir. C'est la chair. Vous voyez? C'est la chair. Vous n'allez pas là. La seule chose que vous pouvez faire, c'est que vous allez aller au niveau de votre côté. Vos jours rentrent comme ça. C'est nécessaire. Parce que quand cette forme extérieure suit depuis jour, notre intérêt se renouvelle. Vous ne pouvez pas vous renouveler comme ça, changer en bon point. Si les apôtres qui avaient l'esprit de Dieu, qui savaient que Dieu cherche le temps je les prier, vous n'avez pas l'esprit, vous mangez. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Il a dit, lorsque l'époux leur sera ôté, ils jeûneront. Vous avez vu ça? Quand l'époux est ôté, le ministère c'est le jeûne. Vous restez, vous avez l'enseigné, vous avez bénigé l'esprit. Comment il est entré? On a dit, il y a un message qui est venu catapulter l'esprit de l'extérieur. Ah, ça, c'est comme ça, le Seigneur vient dans le corps. C'est pas comme ça. D'accord, frère? Alors, il faut qu'on travaille à salut de la poule pour la sanctification. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà. Alors, je comprends bien tout. Oui, je comprends quelque chose. Le jeudi matin. Et puis, il dit, samedi matin. Ça ne veut pas quelque chose. Jeudi matin, jusqu'au samedi matin. Est-ce qu'il y a autre chose? Tu vas savoir que le troisième jour, comment c'est venu ici, on va continuer dans le jour parce que le soir est tout. Bon, j'étais de dire ceci. Si vous voulez qu'on travaille bien avec le Seigneur, on va travailler bien avec le Seigneur. D'accord, frère? Donc, on travaille comme ça. Et je vais vous laisser un modèle de poursuivre. Donc, vous pouvez vivre une vie spirituelle être basée sur la méditation, la Bible, la lecture et les prières. C'est en ça qu'on se voit de relation personnelle avec le Seigneur. Maintenant, c'est à votre lecture personnelle, votre méditation, que vous puisez la nourriture pour vous-même, pour ce que vous allez éduquer les uns et les autres. Plus vous allez aller avancer le Seigneur, plus le Seigneur vous nettoie, plus ces reflets, ces rayons qui sortent de ces vêtements vous traversent. Plus vous allez commencer à regarder, vous tournez vers les uns les autres, vous regardez avec amour comme le Seigneur les regarde. Laissez supporter avec même faiblesse, sachant que Dieu a été passé en fait toi-même par rapport à tes faiblesses. Pas critiquer les autres pour les prendre et les épargner. Non! Vous soutenez les gens, les autres, que chacun peut se relever. La Bible déclare que si quelqu'un a été surpris en faux, vous qui êtes spirituel, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Où est-ce là? En l'hôpital, vous donnez le temps. C'est parce que vous comprenez, frère. Vous l'avez travaillé avec le Seigneur, Dieu permet que le Seigneur nous travaille les nous. Il n'y a pas de quoi de la réponse. Il n'y a pas de quoi de la réponse. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas aux États-Unis parce qu'il y avait un autre analyste qui m'avait dit de transmettre le Saint-Esprit à Dieu. Comment? Joseph Branham. Que le Saint-Esprit a mis cette personne sur la terre maintenant, c'est Joseph Branham. Il dit, je vais vous engager cette terre. Il dit que le Saint-Esprit, c'est tout vous, c'est le monde de Joseph Branham. Que Joseph Branham a reçu le Saint-Esprit de Branham. Bon, Dieu a hypothéqué le Saint-Esprit dans un corps humain sur la terre. Il dit qu'il y a des gens comme ça, là, il collecte l'argent pour aller au Saint-Esprit de l'Empire, le Saint-Esprit. Où est-ce qu'il est chrétien? Il y a des gens sur la terre. Donc, le Seigneur a donné le signe du militaire à Jean-Baptiste en disant que celui-ci, si tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui va vivre le Saint-Esprit. Lui, il lit sa Bible, il voit là où il est, celui-là qui a ce qui l'Esprit descendu, il voit que Joseph Bonham. On dit que le Seigneur qui va vivre le Saint-Esprit, lui, c'est Joseph Bonham. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas le fait que vous allez vraiment prier, vous dites, il faut qu'il reste là, on prie le repos de que le Saint-Esprit vient sur moi. Vous devez respecter les conditions, tous ceux qui ont respecté, puis on impose les mains, on respecte. Il n'y a pas de tenu pour ceci. Il n'y a pas de raccourci pour avoir son esprit. Si vous voulez laisser l'esprit, vous devez le plus de façon. Vous voyez ça, frère? C'est parce que vous comprenez. Jusqu'ici, avec vos préoccupations, avant qu'il avance. Parce qu'il est allé à l'aide pour prendre votre. Bon, merci. J'aimerais poser une question. Je veux que le frère nous fasse un peu. Pour la langue entre ce que nous dit et le pourquoi? Parce que même quand on est sauvé par la grâce et qu'on se dit qu'on peut tout faire dans notre esprit, on n'est pas d'accord. On doit plus le dire. Bien que ce soit difficile, bien que je lui donne de la grâce à tous, mais on se regarde et puis. C'est pourquoi. Vous comprenez ce qu'il dit ici, il ne comprend pas le rythme. En fait, quand on est sauvé par la grâce, ça veut dire que dans les œuvres, on est sauvé parce que c'est gratuit. Or, on sait que les œuvres sont un peu liées à la loi. Un peu. C'est-à-dire, je ne parle pas de la loi de Moïse. Mais je parle de la loi qui a inscrit en nous, la loi des hommes, la loi. Enfin, c'est la même loi. C'est la même loi. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Voilà. Donc, par rapport à ce que le Seigneur nous dit, parce qu'il faut se sanctifier, c'est-à-dire qu'il faut être correct, il faut abandonner ces choses. C'est pourquoi je demande qu'il fasse la marche, c'est-à-dire qu'il faut essayer de se situer, pour ne pas qu'en le faisant, quelqu'un me dise, mais lui, là, c'est un légaliste. Et quand on sache que c'est parce que je veux changer, je veux être avec Christ. Voilà pourquoi je fais ça. C'est pourquoi je voudrais la marche. Merci. En fait, le vrai fait bien de préciser, c'est parce que c'est un autre problème au milieu de l'église maintenant qu'il ne constate pas. Il suffit de présenter la vie du péché à quelqu'un, il dit nous sommes sous la grâce, nous sommes plus sous la loi. Pour qu'on corrige ça maintenant. D'accord, frère? Maintenant, regardez très attentivement. Vous allez voir les gens, quand on prêche comme ça, par exemple, que les gens viennent s'habiller, ils vont vous dire le frère ne vous sauvera pas. Or, c'est si vous allez prêcher à gens qui sont sauvés. Il faut faire la part des choses, justement. Vous voyez? Je sais pas où c'est. Il dit qu'il y a des gens qui vont arriver parce qu'ils essaient de chercher des midi à 14h pour essayer de voir là où il y a les failles. Il dit que les femmes, quand vous écoutez, on parle de foulard, là, les frères ne vont pas vous sauver de l'enfer. Il ne s'agit pas de foulard pour sauver de l'enfer. Il s'agit de respecter le commandement de Dieu. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Il va être vraiment doucement. Il y a d'abord le salut, puis les œuvres de cette foi. Il n'y a pas les œuvres avant le salut. C'est ce que la Bible enseigne dans le Nouveau Testament, c'est la grâce. D'accord ? Maintenant, regardez, prenez le temps de lire le livre de Jacques, chapitre 1 et chapitre 2, concernant ce sujet-là. Mais je vais dire, plus souvent, prenez Matthieu, chapitre 28, pendant que vous notez, je vais citer ce qu'il dit. Maintenant, dans Matthieu, chapitre 28, nous connaissons tous, au verset 18, le Seigneur Jésus s'est présenté, il a dit que tout pouvoir m'a donné dans le ciel sur la terre, à l'œuvre, fait que toutes les nations de l'Église, les baptisés au nom de Père, du Saint-Esprit, puis fait quoi ? Lui fait quoi? Enseigner à observer, il y a une observance parce qu'on peut enseigner Jésus. Lorsqu'on devient le disciple, il y a une observance, on ne doit pas enseigner aux chrétiens. On ne doit pas enseigner aux chrétiens à vivre dans le liberté. Oui, c'est pour ça que quand les gens ne veulent pas vivre là l'obéissance, ils trouvent un mot français ou un grec qu'on a plutôt dit légalisme. Qu'est-ce qu'on appelle par légalisme? On n'a pas dit à quelqu'un que si nous ne faisons pas cette question alors Moïse, ce n'est pas qu'il soit sauvé. Il n'est pas question de faire quelque chose pour être sauvé. Il est question de s'enseigner aux gens qui sont sauvés, comment vivre. C'est ça notre question, ça n'est pas légalisme. Jésus donc en premier lieu en donnant la mission à dire ça. Faites des disciples, puis enseignez-les à observer. Observer, ça dit quoi faire vivre. Sur la Bible, il a dit, vous êtes mes disciples, vous pratiquez ce que je vous ai ordonné. Jésus était-il légaliste? Non, non. Éphésiens chapitre 2, non. Éphésiens chapitre 2. J'entends ça partout dans le monde. Non, vous êtes légaliste. Quand ce sont des gens qui sont dans l'erreur, j'observe les disciples, je ne parle. Quand ce sont des gens qui sont des discoureurs, qui disent des choses de la même façon, je ne fais pas part de deux. Non, il y a des choses, tu enseignes le salut par les autres. On n'enseigne pas le salut. Le salut est donné instantanément. Quand ils sont instantanément, il y a une nouvelle vie. On ne peut pas tout ça dans la vie. On ne peut pas les apprendre. Éphésiens chapitre 2. Le Seigneur dit quoi, mon cher? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà, vous avez entendu cela. Maintenant, regardez le verset 10. Quand nous sommes sauvés, quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour nous de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Vous avez donc, nous sommes quand nous sommes en Christ, il y a une portion de ce que vous devez faire. Ce n'est pas le podcast qui est de bonnes œuvres. Et c'est Dieu qui nous a préparé, c'est ce que nous pratiquons pour pratiquer ces bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres? Premièrement, vous voyez, ce verset, les deux versets résolvent le problème là. Il y a d'abord sauvé par la grâce, puis l'accomplissement des bonnes œuvres qui est conséquent de ce salut. Ça, vous comprenez. Dites chapitre 3. Dites chapitre 3. Le chapitre 3. Tu y es, mon frère. Ils ont battu le verset 8 tout sous. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Attends, c'est la parole à dire. Et donc, le prédicateur dit je veux que cette parole soit certaine. Je veux que tu enseignes ça. Tous ceux qui ont cru quoi? Ils sont qui ont cru. C'est à ceux qui ont cru qu'ils s'adressent. Ceux qui ont cru, ils sont sauvés. Le rôle, c'est qu'il y a un volet, le volet, qui s'adapte. À faire quoi? À pratiquer. Croyant, puis on pratique. Et cette pratique-là, c'est la vie et la loi de la foi. Maintenant, regardez, c'est là. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Évite les discussions fortes, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Vous avez ce qu'il dit? Nous sommes en plein là déjà. Donc le légalisme n'a pas sa place comme lieu de Christ. Mais nous devons respecter la loi de la foi. La loi de la grâce a sa loi. La grâce elle-même, dit chapitre 2, verset 11, dit la loi, la grâce, source des saluts, source la grâce, source des saluts, pour que nous a été manifestée. Après la manifestation, elle nous enseigne à réaliser ici. Vous avez vu ça? Donc la grâce a son enseignement. La foi a sa loi. Quand vous voulez parler de légalisme, on n'est pas là pour dire allez le pépérin. C'est justement ceux qui enseignent cette loi-là qui disent là. C'est justement ceux qui disent que vous êtes légalistes, qui disent qu'il faut payer les dits. Parce que c'est sous la loi justement qu'on paye les dits. Vous voyez, c'est plutôt que les légalistes. Quand vous allez prendre le contrôle que les sacrifices du Nouveau Testament ne donnent pas aux chrétiens, ils payent une dîme. Parce qu'il n'y a pas de dîme qu'on paye en argent dans la Bible, ils vont vous dire qu'ils n'ont maintenant plus de dîme. Pourtant, c'est une question de respect de la loi. Je vais poser la question, il y en a cinq styles de dîmes dans la Bible. Les dîmes que le sacrificateur devait prendre de Lévi. Les sacrificateurs ne payaient pas les dîmes. Et tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Donc ils doivent attendre ça de quelqu'un. Vous dites qui est Lévi dans le coin, il ne peut pas vous dire. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc c'est les légalistes qui sont légalistes. Ce sont les légalistes qui sont légalistes. Parce qu'ils vont dans la loi, ça les arrache. quand tu as dit le fait de respecter ceci, mais tout est dit que sous la loi, on ne peut nulle part voir aux femmes de cette tête à l'assemblée. Mais la Bible dit qu'on est cette propreté, comme le dit aussi la loi. N'est-ce pas, frère? Il y a bien un endroit dans la loi, la Bible dit qu'on dit aux femmes de cette tête. Il veut que nous montrer. C'est mon grand frère qui a écrit. Il a dit qu'on dit que cette tête, comme le dit aussi la loi. Allez dans la loi, montrer où la loi dit ça. Il veut dire la, le principe. Le sacerdoce sous la loi, l'air interdit la parole dans la chasse. Vous voyez ce qu'il y a, n'est-ce pas? Alors maintenant, dans sa acte, 1 Corinthiens chapitre 11, il dit je veux que vous sachiez, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme et tout l'homme est le chef de la femme. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, que ce soit son chef. C'est à la loi qu'on a parlé de cela du Nouveau Testament. Ah! Verset 16, 1 Corinthiens 11. Verset 16, 1 Corinthiens 11. Vous voyez ce que tu as même répété, n'est-ce pas? Donc on essaie de brasser ta chair derrière les versets, nous devons cacher. Maintenant, verset 16 de 1 Corinthiens 11, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Vous voyez ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Avant de développer maintenant le voile de la femme, les gens qui nous le font comment, que verset 15 est son foulard, c'est chevelu, c'est son voile. Mais qu'il a pris le temps d'expliquer le gouvernement de Dieu là-bas, il dit si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Maintenant, quand vous prêchez ça, maintenant, vous êtes légal. 1 Corinthiens, c'est Moïse qui a écrit ça, frère. 1 Corinthiens, c'est Moïse qui a écrit ça. L'apôtre Paul, tous les apôtres et tous les autres disent clairement qu'après la foi, il y a les œuvres de la foi. On ne fait pas les œuvres de bonnes œuvres pour être sauvé. On est d'abord sauvé. Et quand on est sauvé, c'est une fois le premier réglé. Maintenant, on va vivre maintenant en fonction de ces saluts. Jacques, j'ai appris de il faut corriger ça et arrêter cela. Si quelqu'un veut obéir la parole de Dieu, qu'il obéit la parole de Dieu. Oui, oui. Jean chapitre 2, à partir du verset 14. Mais frère, que sait-il à quelqu'un de dire qui a la foi s'il n'a pas les yeux? Vous pouvez répondre à cette question. Répondez à la question que Jean a posée. Et où, si vous êtes plus fort que Jean, ma chère Jésus. Il dit, qu'est-ce que ça te sert à dire? J'ai à quoi? J'ai la foi, si tu n'as pas les yeux. La foi n'est pas palpable. Quand la foi se manifeste, on voit les yeux, c'est que tu as la foi. Il dit, mais fais-tu cette année de j'ai la foi, s'il n'a pas les yeux. Puis il pose la question, la foi de cet homme petit l'a sauvé, donc il a des bonnes questions sur son salut dès le départ. Vous voyez ce qu'il dit ici? Il dit, cette foi-là, est-ce que cette foi petite peut te sauver? Donc, est-ce que vraiment tu arrives au niveau du salut? Parce qu'il y a au niveau du salut, ça veut dire que après le salut, alors manifester les yeux du salut. D'accord? Donc, frère, frère. La foi peut-elle le sauver? Si un frère et une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Vous avez entendu? N'est-ce pas la prédication d'aujourd'hui? Oh Dieu, mon frère, que Dieu te bénisse. Tu es béni de Dieu. Pas vrai? Les gens disent amen. Au milieu de nous, c'est tous des gens qui ont des besoins de première nécessité. Il veut dire c'est votre rôle, vous pouvez de résoudre ce problème. Vous voyez cela? Il s'agissait à quoi de dire je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. D'autres encore, aller prendre de l'argent, acheter le livre que tu écoutes là-bas, alors que les frères sont de souffrir. Grave encore, ceux qui sont dans la dénomination propre de l'argent, le paquet d'argent, de l'autre pasteur dénominationnel là, qui ont acheté la magie, ils sont attirés par cet esprit. Pour aller tenir là-bas, pourquoi les impôts la même? D'autres achètent des bouteilles qui envoient même pour les frères au village, parce que tu vas les délivrer. On leur a dit qu'on a mis le Saint-Esprit dans lui. Que le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il vend ça à 30 000. Donc le Saint-Esprit, c'est pas à 30 000. Vous avez besoin de repentance. Alors, ici, cette foi peut être sauvée. Vous voyez, il dit, en exemple de la mise en pratique des meubles de la foi. Par exemple, si un frère qui se demande de la nourriture de chaque jour, ou lui on dit que ta taxe, le reste de Dieu t'accompagne. Donc, dans ta pratique, si tu es croyant, si quelqu'un a des problèmes, c'est ta responsabilité de mettre ce problème-là hors d'état de nuit dans un sens. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est le fait que je suis vivé bientôt. Mais le problème est l'allemand à lieu. Pour le moment, quand il a mal à lieu, tu vas te faire. Il doit manger, d'accord, frère? Il doit manger. Donc, il faut arrêter ça. Vous allez faire des problèmes avec la Bible. Quelqu'un reste à la maison, il met la main pour vous. Moi, j'ai l'air. Vous comprenez que depuis 3 mois, il n'a pas mangé. Toi, je suis pas de nourriture. Tu as besoin que Dieu te bénisse. Tu entends le vent, tu ne pas. Il te regarde. Dieu est bon. Tu dis Dieu est bon. Dieu est bon parce que toi, tu as mangé. Mais il ne faut pas que Dieu est bon aussi. Parce que si Dieu est bon, comment il a fait? Mais c'est juste que lui-même, quand il prêchait, il avait déjà été fatigué. Il arrêtait la prédication. Il dit, pépé, assois, prenez vous-même à main, en mangeant. Juste la salle, les gens mangent la salle. Malgré qu'on lance, on n'insulte pas la salle, il donne la nourriture. Vous comprenez ça, frère? Donc, si vous voulez, on est pire, pépé. L'esprit et le corps. Dans ce moment, il donne les choses de l'esprit. La mise en pratique des choses de l'esprit maintenant, c'est dans la chair. Si quelqu'un a besoin, vous venez de se lever la main. Un Jean chapitre 3. Un Jean, le chapitre 3. Verset 17 à 22, mon frère. Verset 17, 1 Jean chapitre 3. Verset 17 à 22. Allons-y. Si quelqu'un possède les pieds du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et tout enfant, n'aime pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous convoit, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous n'avons pas de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Là où tu as mis l'assurance, tu as mis le corps, tu as laissé écrit là-bas. Je veux que nous gardions le commandement de l'assurance, nous n'aurons pas de l'assurance. Je lis à quoi ça fait. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors, écoutez très attentivement. Lorsque vous êtes sauvés, c'est pour vous. C'est individuel le salut, n'est-ce pas? Maintenant, la vie en communauté, dans cette communauté, c'est une communauté, c'est partage. L'exemple clair, c'est la vie des chrétiens du Nouveau Testament. La Bible déclare que lorsque vous avez cru, le premier réflexe, il vendait tout ce qui leur appartenait, vous venez mettre la communauté. N'est-ce pas, frère? Et la puissance du Saint-Esprit marchait à cause de l'amour qui était là-bas. Vous le Saint-Esprit, en gardant le fait matériel comme ça. Il y a des gens qui ont des terrains, des maisons. Mais vous ne comprenez pas que les maisons, là, vous pouvez les vendre pour que les frères en profitent. Il y a des frères de sœurs dans la souffrance qui veulent seulement un coup de pouce. Mais je vous dis que la révélation, cette année, on peut parler, c'est ce que ça veut dire. Quand il sait ça, ça veut manger. Quand il connaît ça, ça veut manger. Donc faisons attention. Faisons attention. Vous comprenez, frère? Donc il y a la mise en pratique de la vie qui est quoi? Il ne s'agit pas du légalisme mosaïque. Il s'agit du principe spirituel qui veut que les choses de l'esprit que tu as, tu puisses les manifester sur la chair pour les voir. Donc c'est ça qui est le sujet de la Nouvelle Testament. Maintenant, nous lisons aussi, on peut finir là maintenant par rapport à cette question. Prenons le livre de. On a lu Matthieu aujourd'hui. J'ai cité Matthieu chapitre 2. On a lu la Ephésiens chapitre 2. On a lu également maintenant, on a lu Tite chapitre 3. N'est-ce pas? On a lu Jean chapitre 2. Maintenant, on a lu 1 Jean chapitre 3. C'est ça, n'est-ce pas, frère? 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 22. Maintenant, comment on pense ici? Il dit que si quelqu'un pose le pied de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, ça c'est pas le cadre spirituel, comme quelqu'un m'a dit que tout ce qui fait un spirituel. Voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles. Il pose la question comment l'amour de Dieu demeure en lui. Oui, c'est une interrogation, ce sont des choses que quand vous méditez, vous vous posez la question, en manifestant ça, il y a des gens qui, quand tu viens chez lui, il dit tu es à quel niveau? Je suis au niveau de la boule là-bas. Il dit ok, attends, je vais te trouver en route parce que chez lui, il y a à tête. Il ne veut pas que tu arrives chez lui, tu ne peux pas manger. Après, il dit, ah, tiens, comment? Je vais me réveiller de toi. Qui vient donner la vision là? Qui vient donner la vision? Il dit, si vous possédez les biens de ce monde, on parle des choses par pas. Les maisons, les boîtiers, et que vous voyez votre frère qui est dans le besoin. Si vous lui fermez votre entrée, ça veut dire que vous ne manifestez pas la miséricorde envers lui. La personne qui dit, c'est que le jour du jugement, il va poser des questions sur l'amour que tu dis que tu as pour Jésus. Parce que tout ce que tu vas faire pour Jésus, tu le fais pour ses enfants. Et dans ce même temps, j'ai dit comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton voisin, que tu es ton frère, que tu vois. Vous voyez? Et l'amour est prouvé. Dieu lui-même, nous allons nous aimer, il a donné la manifestation, c'est à moi, donnant le désir. Est-ce pas frère? L'amour est prouvé. C'est pas pour cela qu'il dit ici, de tes enfants, n'ayons n'aimons pas en parents, mon frère, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Mais avec ta action, tu rends l'action de ta pratique. Et avec Dieu. Que l'amour soit pur, simple, joie, sans voix de politique. D'accord, frère? On a beaucoup besoin de répandre à cause de ces fausses choses qu'on a mélangées. On a plus qu'à user la vie en priant en jeûnant, c'est pas ça. La vie est une relation qui va durer en relation avec les individus. C'est notre responsabilité. D'ailleurs, on a fait ce que Dieu veut, c'est Dieu. Et Dieu a placé à chaque membre dans le corps comme il a voulu. Il a voulu même que les membres soient l'une de nous les plus faibles pour que ceux qui sont forts puissent se soutenir. Et si tout un membre souffre, tous souffrent ensemble. Si un membre est honoré, tous sont honorés. Faites cela, le fait que je me vois au milieu de vous. Faites cela. Vous comprenez bien, hein? Donc, j'espère que c'est corrigé, j'ai répondu à la question. Il n'y a pas question de légalité au milieu de Dieu. Il est question de la loi et la grâce. On est sur la grâce, c'est vrai qu'on dit aux gens, on dit que c'est pas prédestination, on dit ok, c'est prédestination, c'est quoi, on a les doigts. Les gens qui ont compris que c'est pas prédestination de la vie, n'avaient pas croisé les doigts. Vous voyez, c'est dans pourquoi je suis le milieu quand vous êtes. Vous dites, les prêches plus ça. Si quelqu'un se bat, alors c'est la solitude de façon. Malgré que puisse être monté, c'est la prédestination, il y a quand même envoyé dans les prêches. Je pense qu'on cherche toujours des douleurs pour pouvoir expliquer l'évangile. Donc, finissons de parler à Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Ce sont ces choses qu'on est censé enseigner. Si on n'enseigne pas ça, vous sortez du monde, de votre tradition, de votre niveau de vie, vous venez en Christ avec votre couture, vous continuez comme ça. C'est ça qui crée des problèmes. Parce qu'il doit y avoir une séparation à l'instant où tu as rencontré Christ. Des choses, des œuvres du monde. Chapitre 4, verset 17, et suivant. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dédouiller. Eu égard à votre vie passée. Amen. Vous avez vu ça, vous avez vu ça. Donc il y a un enseignement. Si on vous enseigne Christ, normalement, de la bonne façon, il y a des vérités. Il a commencé par dire, parce que je vous recommande dans le Seigneur. Il dit, la vie peut être différente de la marche, c'est bien autrefois. Il voulait ne devait plus marcher comme le païen, il marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont les gens obscurcis à cause de l'ignorance qui est en eux. Il dit, mais vous, vous savez à qui là maintenant? Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Moi. Tandis que nous avons appris Christ, si quelqu'un est en vrai de la bonne façon, vous en jouez, vous devez être de même en réalité. Il dit c'est en lui, c'est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Donc il y a l'enseignement sur le dépouillement qui est allé au plus passé. D'accord? C'est-à-dire que le style de vie qui est mené là-bas, on doit te prêcher puisque tu dois abandonner le monde. Tu dois abandonner cette façon de faire, ce n'est pas le vie de pied. Vous comprenez, n'est-ce pas? Cet enseignement, c'est souvent que c'est pas le légalisme. C'est ce qu'on connaît, c'est exactement ce qu'il a dit là. Parce qu'il a été chargé pour prêcher ça chez les païens. Les païens étaient descendus, ont été convertis en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il y a des cieux, le Seigneur Jésus qui m'a été envoyé. Pas vrai? Donc, il n'y a pas de légalité à vous mettre. Jésus a dit que si vous me gardez quoi? Bon, donc garder le commandement, ça dit fermer la vie comme ça, vous allez garder la vie, c'est ça? C'est ça, frère? Bon, on garde le commandement comme ça. En même temps, mais le commandement c'est quoi aujourd'hui? C'est le peuple de Dieu. Comment on fait la distinction de ça entre ça et la loi? La Bible déclare dans Jean que si vous accomplissez la loi royale, vous accomplissez. C'est pas ça? La loi royale. La loi de Christ qui est aime ton prochain. Tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain. C'est la loi royale. Comment vous accomplissez cela si vous ne prenez pas en pratique? On veut les dire, on voit les voir dans un geste de joie ici. Que la plus à pratique cela, c'est si je vois mon prochain, je fais ce que je lui souhaite. Comment passe? Je lui dis, c'est la loi que les prophètes. Donc, pour vous, quand vous êtes chrétien, je suis spirituel. Je suis chrétien, c'est ça? C'est pas ça, d'accord, frère? Votre vie, votre relation propre avec le Seigneur. Quand vous rencontrez maintenant, c'est entre vous et le Seigneur et les gens. D'accord. Alors, je dois exprimer l'amour de Christ envers nous, mais c'est qu'il est. Nous avons besoin des uns, les autres. L'assistant au sein, c'est écrit dans la Bible. Souvenez-vous de la prison, souvent que vous êtes dans la chair. C'est écrit là-bas dans le livre de Hébreux chapitre 1, chapitre 13, verset 1 à 4, n'est-ce pas? C'est écrit là-bas. Souvenez-vous de la prison. Ici, la Bible a dit qu'on met en pratique, mais c'est bon, c'est magnifique. Nous mettons la parole en pratique. La parole en pratique, peut-être très attention. La parole ne consomme pas écrit pour avoir seulement le salut. La Bible ne consomme pas le salut. Il y a le salut et la manifestation du salut à les yeux pour attendre. Il y a la parole d'attendre le Seigneur Jésus, la parole de vivre pour attendre. Cette façon-là, c'est la marche. On appelle ça marche chrétienne. Il y a la marche chrétienne qui dépend des autres marches. Et si tu marches dans la vie chrétienne, en marchant comme où tu marchais avant, il y a un problème. On doit t'enseigner à te prier pour égaler ta vie là. D'accord, mes frères? Il n'y a pas de légalité dans le milieu chrétien. Des questions encore? Des préoccupations? Oui, avant que nous commençons. Vous avez une question par rapport à la mariage, le dogme, vous avez parlé de dogme. Écoutez les enseignants, vous avez dit, tous ceux qui prennent le dogme, c'est le Seigneur. Je voulais savoir si tu voulais c'est par rapport, si c'est par rapport à ce qu'on veut dire, comment faire. Oui, vous avez suivi la question, non? Dis ça, on va voir complètement. Allô? Oui, mais écoutez les enseignants, si les mariages. Vous avez parlé de dogme, puis le roman. Voilà. Tout le monde ne va pas prier, et tous ceux qui prennent dans ces volets. Voilà, vous voulez savoir si. Si la science est pas seulement convaincue, comment. Tu ne vas pas marier, n'est-ce pas? Tu veux qu'il donne les sentiments pour ne pas t'apprendre, c'est ça? Tu veux qu'il te donne l'argument pour ne pas prendre ta part? Bon, maintenant regardez, ce sont des corrections que le Seigneur a amenées. Ce sont des corrections que le Seigneur a envie d'amener. Il a dit, c'est qu'il a dit, peut-être qu'il n'est pas au courant. Je me pose là, et puis la question pour savoir, et puis tu ne parles pas du mariage. Pourquoi parce que les questions sont difficiles. Il a dit que j'ai enseigné qu'on ne paye pas la dot, ce n'est pas précis dans votre vie qu'on paye la dot à un mariage. Avec les gens, je l'ai dit. Et il pose la question, donc, si les parents de la fille ne sont pas convaincus de droit, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Moi, je dis à Marie, la parole de Dieu est là. Si tu dis à quelqu'un que le baptême sur le nom du Seigneur Jésus, je ne parle pas, tu vas le conseiller. Vous allez conseiller. Non, mais pas conseiller. Mais si tu aimes la personne, tu vas faire ça parce que la personne va venir chez toi. Donc, la dot me pose problème. C'est que je dis qu'on ne fait pas la dot, ça vous pose problème. Vous dites que vous êtes selon les écritures, vous faites les écritures. C'est vrai, presque nul, nous avons fait la dot de femme à Marie, à l'aide Marie. C'est pas vrai? Alors, vous voyez, dans ce sont des choses qui est d'achat qu'on a mis. Dans l'Ancien Testament. C'est ça, je suis venu vous parler. Oui, vous êtes dans l'Ancien Testament. Les gens se marient comment? Non, tout le monde se marie par exemple. Bon, en fait, moi je crois qu'il y a. En fait, tu as travaillé pendant 7 14 ans. Voilà, Jacob a travaillé 14 ans pour avoir ses deux femmes. 17 ans, 7 ans. Donc, c'est ça la donne à l'homme. Bon, c'est parce que je pense. Comme il a pris au tout de vue, sinon je. Si quelqu'un peut l'aider, aidez-le. C'est vrai pour faire. Alors, on va en faire le comme ça ou bien? Ah, c'est bon. Tu veux dire? C'est pas ça. Moi, j'ai deux questions. Alléluia. J'ai deux questions. Bon, je voudrais savoir qui peut. C'est qui m'a maman va appeler les chrétiens. Et puis après, ce nom de Marianne. Dieu a dit pour la Bible dit que l'homme ne doit pas les rapports sexuels se font dans le mariage. Mais maintenant, dans le mariage, il n'y a plus de dot. La Bible dit qu'il n'y a plus de dot, ni que les mariages sont droits actuellement. Donc, c'est quoi que Dieu appelle dans le mariage? Il doit avoir le rapport sexuel dans le mariage, parce que c'est plus un maman. Donc, en fait, j'ai dit trois questions, mais j'ai d'abord on a pas été chrétien. Ok. Bon, maintenant, peut-être si vous allez écouter un mot. Si vous avez vu et écouté les choses, c'est comme la dîme. La dîme est publique, mais ce n'est pas pour le chrétien. Vous ne pouvez pas faire à côté sans chrétien, vous ne pouvez pas marcher. Si vous faites ça, vous êtes légaliste. C'est qu'à juste titre, on vous appelle donc légaliste. Parce que la Bible déclare dans l'Hébreux chapitre 7, le pouvoir Abraham payer la dîme. On dit que ce n'est pas lui qui paye la dîme, c'était le roi Lévi, qui était un sacerdoce, le père de sacerdoce, vous devez le faire payer par Abraham. Vous voyez l'histoire? Donc Abraham n'a jamais payé la dîme pour lui-même. Ça c'est fait. Michel n'a jamais levé la dîme pour toucher cela. Et vous voyez dans cette Hébreux chapitre 7, verset 11 à 18, il dit que le sacerdoce là, le sacerdoce de l'éthique a été annulé parce que cela lui a amené la perfection. Et ce sacerdoce comprend la dîme. Oui, c'est n'est-ce pas? Et l'introduction dans le nouvel sacerdoce est parfait. Le sacerdoce, le Hébreux chapitre 7, mais clairement, que c'est le sacerdoce de Melchizedek. Et dans le sacerdoce de Melchizedek, lui seul fait le souverain sacrificateur et le reste sont les sacrificateurs. Donc il n'y a pas trois mots. Il n'y a pas souverain sacrificateur, sacrificateur et les lévites. Il n'y a pas les lévites dans le corps de Christ, ça ne se trouve pas. Tous sont sacrificateurs. Ça, c'est ce qui est fait. Et le sacrificateur ne perd pas les lévites. Il perd les lévites chez les lévites. Comme il n'y a pas de lévites, il n'y a pas de lévites dans le corps chez le peuple. Il n'y a pas cette dislocation dans le corps. Le corps est un seul. Un sacerdoce doit être obligé, le sacerdoce doit être obligé. Vous comprenez? Maintenant, lorsque les gens ont mélangé les coutumes des peuples, les traditions de la chose de Dieu, au point où si vous posez la question, comment vous mariez? Il y a des gens qui disent que le mariage se passe à la mère. Il faut que les gens se marient à la mère. On dit, ok, vous êtes biblique. Montrez un verset dans la Bible. Vous pouvez me montrer? Est-ce que vous montrez un verset dans la Bible qui dit que vous devez marier à la mère? Que c'est le mère qui va légaliser pour mon fils. Vous êtes marié? C'est que vous avez des problèmes. Ça veut dire qu'il faut redéfinir le mariage selon la parole de Dieu. D'accord? Alors maintenant, vous regardez encore, vous dites, ok, si vous ne parlez pas à la mairie, vous n'êtes pas marié. Abraham était à la mairie. Tous ceux-là, vous avez appelé pour le temps de la Bible. Ils allaient à la mairie. Est-ce qu'ils allaient à la mairie? Est-ce qu'ils partaient voir en justice pour divorcer? Pour divorcer, comment ils devaient faire? Il s'écrivait un menu lettre. Donc ça dit prenez le stylo, il mettait à compter du jeudi. Parce que j'ai observé quelque chose. Je crois qu'il ne va pas. Il suffisait seulement que la femme ne satisfasse pas sexuellement. Dis la Bible. C'est pas ça vrai. Il est écrit un motif de divorce. Et donc il dit, je ne sais pas là-bas. Le divorce est prononcé. Vous comprenez? C'est le culte romain, avec la loi romaine qui a introduit ces choses pour essayer de normaliser ça dans les canons. D'accord? Ça se passe comme ça dans la Bible. Maintenant, vous direz que Sarah et Abraham n'étaient pas mariés. Vous direz qu'ils n'étaient pas mariés. Et là maintenant, vous, avant que vous alliez venir en Côte d'Ivoire, il y a un enfant, il y a des peuples de brousse qui ont des femmes. Vous direz que vos parents n'étaient pas mariés. Alors, si vos parents étaient mariés et qu'il n'y avait pas de mairie, que vous dites aujourd'hui que c'est la mairie, qui s'est le mariage, vous avez le problème. C'est que vous avez dit, Abraham n'est pas marié. L'auteur de la Bible n'est marié. Donc, le mariage ne consiste pas à l'acte de mariage. Parce qu'il y a des gens qui ont le mariage, qui sont divorcés pour Dieu. Les gens qui sont eux-mêmes, qui sont divorcés pour Dieu. Vous comprenez ça, frère? Donc, le mariage, c'est pas ça. Maintenant, si ça a embrouillé, il y a qu'une seule façon de regarder. C'est le travail de Christ et de son épouse. Vous posez la question comment il se marie. Parce que le mariage physique, c'est un type de ce mariage. Alors vous posez la question comment Christ se marie. Vous devez résoudre le problème là. Vous comprenez? Donc le frère a parlé de l'histoire de Jacob. De Jacob qui a trouvé Rachel, il a embrassé. Puis il est allé. Le matin, frère, je vois que les parents de Jacob n'ont jamais demandé à Jacob de travailler. Alors vous allez dire Jésus. C'est lui qui a proposé à travailler. C'est lui qui s'est proposé à travailler. Je travaillerai 7 ans. Celui qui a percé, donc celui qui a percé la classe. Quand vous allez dans la classe, c'est qui c'est les deux? Donc la Bible parle là. Parce que vous allez chez les parents, vous demandez, vous dites, donnez-moi la liste. C'est eux qui vous donnent la liste, ils donnent leur exigence. Vous voyez? Et à eux, quand tu fais quoi? Le droit punit même sévèrement ceux qui demandent les têtes excessives. Voilà. On condamne les parents qui demandent les têtes excessives. C'est interdit justement dans la loi, dans votre respect. Donc il faut faire attention. Faut faire attention. Alors, maintenant, ouvrons le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 26. Donc, pendant que vous allez chercher Genèse chapitre 26, je ne sais pas, en fait, ce qu'il faut de l'expliquer, c'est de dire là, c'est l'histoire de la rencontre de Jacob avec Rachel et Léa. La grande entre son mari. Il veut se mettre pour remarquer que quand Jacob est arrivé chez là-bas, c'est pas là-bas qui a exigé qu'il travaille 7 heures. Quand il a vu qu'il savait qu'il aimait Rachel, il a dit, tu es quand même jeune Rachel. Je préfère mieux donner ma fille entre tes mains que de donner au païen. Et puis il sort là. Jacob lui a dit, je vais travailler 7 ans pour elle. C'est 7 ans qu'il a travaillé pour elle. Maintenant, la première mention de la dot de la Bible vient du jugement des pratiques païennes. La première mention. Amen. C'est pas chez Jérusalem que j'allais mentionner. Dans le dessin, c'est un Jérusalem que j'ai entendu. Vous savez, vous voyez, il vient de Dina, n'est-ce pas? Lorsqu'on a violé Dina. Alors, le fils de ces rois-là est venu vers le peuple. Après avoir violé Dina, ils ont demandé, demandez-nous une fois que sans homme, une fois que Dieu s'explique, Dieu. En nous allons la payer pour la part. Mais au préalable, il avait d'abord déshonoré. Et ce principe-là qui va être érigé en loi. Et c'est ce principe qui va être érigé en loi. C'est ce principe que, à mon appel, là, c'est ça qui va être érigé en loi. Et vous allez dans le Deutéronome chapitre 22, verset 13 jusqu'au 1er, et Exode chapitre 22, verset 13 jusqu'au verset 16, où Dieu parle clairement de la dot de piège et quoi? Déshonoré. C'est ça notre question, c'est la seule dot dans la Bible. Ça veut dire que, il faut que la vie qui était vierge, et qu'elle ait été déshonorée. C'est-à-dire que quelqu'un la rencontre violence. Et puis, en signe de réparation, la dot, c'est la réparation de la virginité de la paix. C'est ça la dot. La dot, c'est pas pour demander le mariage et prendre le donné de cette dot et prendre le mariage. C'est pas ça dans l'intention du Seigneur. Parce qu'aucun mariage de la Bible n'est pas comme ça. Il comprend ça. Si vous avez des amours, vous regardez le mariage par un plus une aiguille. Quelle est la dot? Vous direz quelle est la dot? Vous voyez, mon frère. Donc c'est pas biblique. Donc c'est pas biblique. Donc si vous avez une écriture, vous essayez de contrôler, vous ne pouvez pas plus. Oui, oui. Maintenant dans sa condition, puisque nous devons voir la pratique. Voilà. Maintenant, bon. Oui, oui. Voilà. On devait prendre les sept. Maintenant, on va. Parce que maintenant, je ne sais pas, maintenant on va. La sœur, il dit bon, on va pour Marie et tout ça là. La sœur a gâté les deux. Maintenant, au niveau de ses parents, on va comment? Voilà, parce que ici, je suis d'accord, bibliquement, que la dot là, voilà, c'est pas jamais au niveau des parents là-bas, de là-bas. Non, j'ai dit, nous, là, j'ai vu, vous venez de dire la même question, c'est la question, celui-ci a posé. Mais vous voulez que je fasse comment? Je ne vais pas parler, vous ne payez pas la dot. J'ai dit, chaque fois que vous me posez, j'ai dit, moi, je m'en. Vous prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité. Il n'y a pas un passage qui dit au cas par cas. On doit vivre la parole. Le plus grave, c'est ce sont les chrétiens. Vous voyez, les parents qui parlaient hier de la polygamie, ils sont prêts pour aller prendre les enfants de Dieu. Voilà, maintenant, ils sont confrontés à la vérité. Donc, si vous avez fait le programme, vous allez avoir beaucoup, des enfants pour avoir beaucoup d'autres. Arrêtez ça, c'est le bon. Vous n'avez pas le droit de prendre les parents d'autres. Vous voyez là, n'est-ce pas? Maintenant, le mariage, d'après la Bible, c'est le consentement entre les deux. Appelle la Bible. Comment frère? Puisque, comme vous venez de dire tout à l'heure, le mariage c'est le consentement de deux personnes. C'est-à-dire l'accord entre l'homme et la femme. Bon, à ce niveau, je voulais savoir quelle différence on peut faire entre deux personnes mariées et ce qu'on appelle les copains. Et puis aussi le financier. Ces trois éléments. Bonne question. Hier, nous avons parcouru, hier, c'est 1 Corinthiens 7, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et la Bible déclare que pour les deux, si elle veut se marier, qu'elle se marie dans le Seigneur, n'est-ce pas? Vous avez posé la question, comment? Vous avez compris? Donc, c'est terminé. Normalement, je vous disais que vous allez comprendre. Regardez ce que l'apôtre Paul dit là-bas. Il dit que chacun a sa femme. Et là, par la suite, il dit que si le frère ou la sœur se consentent à habiter ensemble, vous voyez ce qui est écrit là-bas, qui ne répudie du point. Le mariage, vous dites, le mariage, comment on va se marier? Posez tout simplement la question. Vous dites que l'église est l'église de Christ, pas vrai? La question c'est comment l'église a été mariée à Christ? Répondez à la question. Répondez donc à la question. Comment l'église a été l'épouse de Christ? Comment? Lorsque l'église a accepté, mais le problème, c'est que ce n'est pas l'église qui prend Christ, n'est-ce pas? C'est Christ qui l'a pris. C'est vrai que, comme on a fait dans le mariage de Christ et de l'église, c'est notre acceptation qui a fait ce mariage. Mais avant cela, qui s'est fait payer prix par ta vie? Voilà, sur la croix du calvaire. C'est par cela qu'il nous a d'abord rachetés avant que nous puissions être à lui. Voilà. En fait, je poussais le frère, c'est là que je vais en venir. Je poussais à bout pour montrer quelque chose. Parce que j'attendais que quelqu'un dise que le sang qu'il a payé à la croix, c'est la dot de son église. C'est ça en temps de fond. Vous voyez, je les ai poussés à vous pousser parce que c'est la pensée qui est derrière. Que d'abord, il a d'abord payé. Mais Jacob a payé aussi par le sacrifice aussi pour avoir son Rachel. Vous voyez, maintenant, si vous si prenez cette syllogie, justement, on paye la dot aux parents, n'est-ce pas? Dans ce cas, il a dit que les parents de l'église, c'est qui? Dans ces conditions, il veut dire que les parents de l'église, c'est qui? C'est le diable. Non, parce qu'il s'est la racheté. Quand tu l'as racheté, parce que c'est quelque chose qui t'appartenait. D'une façon ou d'une autre, tu l'as perdu, tu es venu récupérer. Vous voyez, c'est autre chose. Dans le mariage, en ce temps-là, quand Christ même marchait sur la terre, l'église se trouvait en lui. N'est-ce pas, frère? Il l'a manifesté. Il faut qu'on tue un père, c'est trop pour qu'il puisse s'en l'église. C'est pas ça? Mais qui est le père donc, de l'église? En fait, remarquez même que Adam et Ève ont même père. Amen. Christ et l'église ont même père. C'est pas ça, frère? Ok, maintenant. Ça veut dire que l'église a fait la tête à Dieu. L'église a-t-elle été violée? Non. Non. Donc le sang de Christ versé à la croix n'est pas la tête. C'est pour revêtir, nous parlons de vêtements, c'est pour revêtir son épouse. C'est pas la dot. D'accord? Oui, frère. En fait, j'ai compris parce que quand nous sommes tous chrétiens, ce problème ne se pose pas. Tu vois, la sœur, elle est d'accord, tout ça se passe parce que c'est dans la communauté. C'est lorsqu'on associe les païens. Il faut que le pasteur, le frère, le père, et c'est la suite, c'est aussi ça. Oui, mais il est chrétien. Mais voilà le problème que vous avez déjà. C'est lorsqu'on va sur les païens. Tu vas aller chercher quoi là? Voilà, justement. Donc, en fait, c'est pour ça que Dieu a demandé que son peuple ne pas aller chez les païens. C'est pour dire que c'est pourquoi je dis que j'ai compris. Bon, mais t'as bien un problème. La femme que vous rencontrez peut être croyante. Son papa n'est pas croyant. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Parce qu'en fait, vous allez prendre le nouveau où le papa ici et les filles sont croyants. Tout le monde n'est pas croyant. Vous pouvez être ici, vous êtes une fille, vous sortez d'une famille dont votre père et votre mère ne croient même pas ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, la volonté de Dieu, c'est qu'elle s'est mariée. Ça, c'est clair aussi. Parce que la vie de Dieu, elle est légère, elle s'est mariée. La volonté de Dieu est claire, elle doit se marier. Ça veut dire que toute proposition à ce mariage, Dieu a déjà dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joué. Donc, il n'y a pas de proposition pour le mariage. Hein, frère? C'est donc pour ça que même dans votre loi sur l'homme physique, on dit que personne ne fait objection du mariage si on n'a pas venu verser une partie ou bien une totalité. La totalité, c'est ce qui est écrit dans la loi, n'est-ce pas? Alors, si la loi même dit que personne ne peut faire objection à un mariage, si on n'a pas versé une partie ou une totalité de la dot, si la loi nous dit ça, comment faisons la loi de Dieu? Ça veut dire que personne ne peut s'élever dans une célébration d'Amérique où le maire dit qui peut s'opposer à ce mariage et qu'on peut s'opposer au mariage. Si un mariage a été célébré sous le régime monogamique et qu'on a fait 100 ans dissous, on a des blagues avec nous. Quelqu'un peut s'élever pour dire qu'il a été marié à moi. Là, on parle, il serait mariage parce qu'il y a un problème contre la loi. Maintenant, si un papa s'élève, on dit la sœur, moi, on dit c'est quoi? Il dit qu'il a versé à quelqu'un, il n'a pas versé à Oko. On va dire papa, pas vrai? Parce qu'il n'a pas le droit par rapport à la loi. Alors, si la loi humaine dit ça, vous réfléchissez bien trois fois. Ça va dire quoi? Tout parent qui s'oppose, là, maintenant, il laisse le cas du mariage parce que vous parlez, la chair doit être sucrée là-bas. Si vous-même, vous croyez et que vous déparez vous baptisez, le parent vous dit si vous baptisez, vous me régnez là. Vous faites quoi? J'ai parti. Donc, vous opposez à lui. Écoutez très attentivement. C'est pour ça que le Nouveau Testament dit enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire que tant que le parent est sur la ligne droite du Seigneur, vous devez marcher. Mais s'il arrive que le parent sort de droite de l'écriture, vous devez pousser à l'écriture, tu ne dois pas y aller. Vous voyez? Il n'y a pas le baptême pour vous montrer. C'est une écriture de la Bible, comme on l'a dit. La Bible déclare également que vous devez vous marier. Si vous savez que vous devez vous marier, personne ne doit faire opposition. On peut s'opposer à votre baptême, mais au mariage, on ne doit pas s'opposer. Parce que Christ a interdit cela. Personne. Parce que la Bible déclare dans Malachie 2:14 que le Seigneur, l'Éternel, a été témoin entre toi et la femme de ta jeune à laquelle tu es infidèle. C'est l'Éternel qui est témoin, on n'a pas dit que tes parents sont témoins. Vous comprenez? Donc le mariage, c'est conçu et c'est signe devant le Seigneur. Le véritable acte de mariage se trouve en haut. En plus, c'est Dieu qui prononce et a prononcé les bénédictions sur le mariage. C'est donc lui, les deux qui se marient. Et donc, le Seigneur ne dit pas que personne ne sait pas ce que le maire a fait. Il ne dit pas que c'est, personne ne sait pas ce que le gouverneur a joué. Il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joué. Vous devez vous poser la question à quel moment il est joué. La question doit être répondue. D'accord, frère? La Proverbe chapitre 20, le verset 25. La Bible déclare que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère l'engagement sacré et venir réfléchir après avoir fait un vœu. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre, tout alliance que vous prenez sur la terre engage Dieu. Vous suivez, frère? Tout serment qu'on fait sur la terre, c'est ça que vous lisez votre Genèse, de pompe en pompe. Les puits du serment. Bathsheba. On a donné là-bas. Là-bas et autre. Jacob, quand on parle là-bas, vous la fuit avec ses filles. Là-bas, on va la fuir. On doit faire un serment avec une pierre. Que cette pierre soit témoin, que quand tu parles là-bas, tu vas attaquer. Et Israël savait très bien que le serment est juste, droit. Je vais toucher dans la deuxième question de cette sœur-là. Le serment que les gens faisaient était la seule. Ils craignaient Dieu. Et païen, et non païen, ils craignaient Dieu. Parce qu'ils savaient que si le serment, quand tu donnes ta parole, tu dois prendre pour toi. Même les lois païennes. Même les rois païens le faisaient et obéissaient. Remarquez très bien pourquoi on peut attaquer des gens dans Christ. Parce qu'un roi avait donné sa parole. Vous voyez cela? Regardez là, dans le livre d'Esther, c'est que le cas a fait. Quand il a fait quelque chose, une désobéissance a été faite, la loi des maîtres des pestes est irrévocable sur le plan public. Donc ça ne change pas. Alors, quand vous faites cette chose, vous faites alliance devant Dieu, c'est parce qu'on a tellement été éloigné des choses de Dieu, des choses de l'esprit au pauvre. Une fille va dire à une garçon, oui, je t'accepte. Mais il n'est jamais dit ça. Parce qu'on méprise les vœux et les serments qu'on sort de notre bouche. Pourtant, ceux qui la Bible savent effectivement ça, ils savent effectivement. Quand tu dis à quelqu'un, oui, tu peux plus t'en détourner. Vous comprenez, frère? Vous me suivez? Alors, le peuple de l'Alliance, parce que les chrétiens sont un peuple de l'Alliance, vous savez ça, n'est-ce pas? Le peuple de l'Alliance a été introduit par le sang indéfectible du Seigneur Jésus. Vous voyez? C'est en alliance, ils sont en alliance. Et donc, ce peuple doit connaître vraiment l'Alliance. Cette alliance-là nous montre qu'on n'a pas ouvert la bouche pour n'importe quoi, construire le mariage sans qu'on ne soit vraiment sûr que nous voulons nous avancer vers cette personne. C'est ça, en ce sens, ça différencie avec le petit amicus, le copina. Parce que le copina, c'est quoi? Les gens vont lire les livres de romantisme. Et quand ils te voient comme ça, le parfum soif de ton cœur commence à couler autour de ton parfum de Dieu. Le clignotement de ton cœur et ta démarche a fait incliner mon cœur dans un angle de 360 degrés. Au point où je me suis tourné pour voir ta danger. Il utilise ça pour flatter, pour accepter ce qu'il pense, à accepter ce qu'il est. Parce qu'il veut quelque chose, il veut son corps. Le peuple saint, c'est pas comme ça. Le peuple saint doit s'aventurer, sachant que c'est un engagement à vie qu'il a de faire. Donc ceux de peuple saint, on doit les enseigner à faire attention à ce qui sort de leur bouche, particulièrement dans ce domaine. Eh bien, pas parce qu'il y a la perversion dans cette autre voie qu'on ne doit pas enseigner la vérité. Parce que c'est ça qui est le problème. On dit, ok, si on ne dit pas non, la fille va se marier à mairie, et qu'on fait telle chose, la donne, comment on va savoir qu'ils sont mariés? Ce n'est pas à vous de savoir qu'ils sont mariés, c'est à Dieu. Quand on a touché la femme d'Abraham, il était dans le palais, Abraham n'était même pas là. C'est Dieu qui a demandé à Abraham. Tu peux laisser la femme de cet homme, parce qu'elle est mariée. Va prier pour toi, n'est-ce pas? Abraham, comment ça s'appelle ça? T'avais pas une bague à la main pour montrer. Je suis marié, ne me draguez pas. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est pas la bague là, c'est dans le cœur. Alors, lorsque vous êtes marié, vous devez comprendre que le mariage, c'est la première des institutions du Seigneur. Il l'a consacré comme étant sacré. Donc, toute personne qui parle du plan du mariage, et tout le plan du mariage, s'oppose comme ça à Dieu. Oui, mon frère. En fait, c'est un peu insolite. Hein. Voilà qu'il est dit qu'avant, on peut faire vœux, mais il faut attendre le mariage avant d'aller, en fait, avant d'être ensemble réellement. Bon, le mariage à ce moment alors. Tu vois, il y a un problème. Le problème, c'est que le mariage, donc, ça fait moment. Justement. Et voilà que vous partez et vous rendez compte que vous ne vous convenez pas. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous ne comprenez pas, ça existe à notre langue pour qu'on comprenne. Tu dis quoi? Bon, en fait, toi, le monsieur est impuissant. Non, il faut être direct. Il est impuissant parce qu'il s'est marié pour faire quoi? C'est là le problème. C'est ça le problème. Il est impuissant ou bien il a un problème particulier parce qu'il y a des gens qui sont atrophiés. C'est-à-dire, il est un peu handicapé sexuel. Oui, c'est-à-dire que l'homme, c'est comme un verre de terre. Voilà. Oui, oui, oui. Comment tu peux faire la cause des femmes comme ça, mon frère? C'est les femmes qui veulent poser ce problème. Voilà. Donc la femme fait comment? Bon, maintenant, si c'est Dieu qui a fait le verre de terre, c'est être quelque part quand même. N'est-ce pas? Alors, les questions physiologiques, je ne vais pas poser vous avec le mariage normalement. Suivons très attentivement. Nous allons sur la base que le mariage, ce n'est pas pour le sexe. D'abord, n'est-ce pas? Le mariage, ce n'est pas pour le sexe d'abord. Le sexe n'est qu'un accompagnement du mariage. C'est pas ça? Maintenant, je pose la question autrement. Si ces choses étaient bonnes dès le départ, et que par la suite, il y a un problème, vous ferez comment? Il dit, vous avez pris le carreau avant d'avancer, nous sommes d'avancer. Parce que c'est ça qui a amené le fait que pour aller, comment on dit qu'on se marie, pour le moment, on teste pour voir, c'est pas la sauce. Voilà, il faut tester pour voir si ça va marcher. Ça va pousser déjà la fornication. Voilà, frère. C'est pour ça que les gens étaient en Israël et veulent aller en mariage vierge. Au point où, si on prenait quelqu'un, une fille qui n'était pas vierge, on devait la lapider. Parce qu'elle a commis sacrilège. Vous voyez, si on testait chaque fois que cette fille est vierge, il y a des femmes, excusez-moi l'expression, qui peuvent lire le journal, vous faites ce que vous voulez faire. Elle lit le journal. Tu vas dire, mais celle-ci ne sait même pas participer. Elle est vierge, elle apprend ça. Sinon, pensez pornographie. Il faut que ton truc soit au milieu de tes enfants. Il faut que tu regardes par là. Tu te fais comme ça, n'est-ce pas? Ces choses-là, dans le peuple saint, ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, il faut d'abord chercher l'aide semblable qui va sortir de toi. C'est ça qu'il faut chercher. Quand ces choses sont identifiées, la personne sera suffisante pour toi. Parce que les bénédictions de Dieu ne consument aucun chagrin. Et même, si elle a des cas quelque part, c'est un cas là, c'est à dessein. Si nous sommes dans le peuple saint. Et même, alors, si tu te maries, tu dis, ok, j'ai testé, c'est bon. Okay. Si c'est la voyage, faites tester vous, c'est bon. Tu ne sais pas que la prochaine voyage va être pourrie. Si plus tard, maintenant, il y a l'accident, est-ce que tu appelles père de quel être ton coupé? Si le père était coupé, après l'accident, tu t'es marié, tu vas faire comment? En fait, il y a une situation que j'ai déjà eue. En fait, on a déjà. Quand tu as l'accident pour la première fois, tu seras l'accident pour toute la vie. Il dit que quand tu as fait 2-3 jours, là, la prochaine fois, là, tu n'as pas le père de quel, tu vas faire comment? Là, je dirais que c'est à la vie. Mais dès le départ même, je n'ai rien. C'est-à-dire que je me suis marié pour rien. C'est un peu ce que ça veut dire. Mais si on a eu à être un peu ensemble, pendant un moment et qu'il y a eu un accident, je me dis non, sans l'accident, ça veut dire que ça se règle dans mon esprit. Ça dit c'est ma femme. Si tu te poses ce problème, tu dois dire quoi? Donc en condition, donc maintenant tu proposes aux gens de tester d'abord la sauce. Bon, moi je crois qu'il faut se côtoyer. Pour toi, ça dit quoi? Étudier. Il faut s'étudier. On ne peut pas s'étudier, là-bas c'est la science pratique. Là-bas c'est la science pratique. Tu vas étudier ça comment à distance? Qu'est-ce que tu veux parler à ton frère? Connaître. Connaître comment la Bible dit connaître là? Avoir des rapports sexuels. C'est pas bon, mais je laisse. Vous voyez? Vous allez tourner, vous allez retourner, vous allez comprendre la nécessité du Saint-Esprit au milieu des croyants. Vous comprenez l'histoire? Parce que le Saint-Esprit peut arriver n'importe quoi au milieu des croyants chrétiens. Il y a des gens qui n'ont pas de trompe, mais qui enfantent au milieu chrétien. Alors que la science dit le contraire. Même si quelqu'un le veut, ça peut se développer parce que la personne est un membre, il peut faire plus un membre. Alors pourquoi ne pas croire que Dieu, tout est possible. Tu prêches ça, mon frère? Que tout est. Donc le verre peut être transformé en anaconda. Absolument, non, ça règle le problème. Mais il faut pas s'attendre que tout soit possible. Ça ne soit pas fait. Que Dieu te bénisse. Je reviens encore à ma question. Tout ça, il y a accord dans les deux cas. Bon, le jeune, après son passe chez les jeunes, il voit la jeune fille, il dit je t'aime. Parce que aussi, je t'aime. Bon, les deux décident d'être ensemble. Et puis après, c'est le copinage, après il y a séparation. Oui. Bon, dans le cas aussi du mariage aussi, il y a aussi encore des deux êtres. Comment on fait la différence entre ça qui est mariage, c'est mariage et ça c'est copinage? Moi je te pose une question. Au milieu des chrétiens, y a-t-il des mariés? Oui. Au milieu des non-chrétiens, y a-t-il des mariés? Oui. Donc tous les non-chrétiens qui sont de l'autre côté, qui n'ont jamais lu la Bible, il y a parmi eux ceux qui sont des enfants, qui sont mariés. Oui. Comment se marie-t-il? Par l'accord. Comment tu peux me dire une chose et le contraire alors? Si c'est l'accord, l'accord c'est toucher le païen. L'accord c'est tout un milieu chrétien. C'est l'accord qui exige. C'est l'accord dont on est question. Parce que si une donne doit accord, même c'est même devant le maire, c'est l'accord qu'on cherche. Si le maire dit, toi, un tel, lève-toi et prends la main de telle personne. Est-ce que tu acceptes? Elle doit dire devant les gens que j'ai. Si elle dit, elle accepte pas, tant qu'elle dit, on ne évolue pas. Tant qu'elle dit, on n'évolue pas. Si elle dit que je n'accepte pas, il va se dire quelque chose là. Mais c'est l'accord, même sur le plan administratif, il faut d'abord l'accord. C'est pas le oui et le non. Voilà. C'est le oui, non. C'est terminé. Alors maintenant, le problème maintenant, c'est qu'avant d'arriver à la mairie, là, il y a d'abord l'accord. Donc en fait, vous allez à la mairie pour célébrer le mariage. T'as vu ça, frère? À la mairie, vous n'allez pas vous marier, vous allez célébrer le mariage. Célébrer le mariage, donc il y a eu lieu de célébrer. Ou bien vous allez au officialisé. Quand on officialise, on officialise quelque chose qui est déjà. Ça ferait. Alors ça veut dire qu'avant qu'on arrivait à la mairie, vous êtes marié. C'est le problème du péché et la fornication qui a fait ça, c'est qu'on ne parvient plus à discerner ce qui est bon. Parce qu'on a peur que ça soit encore dit c'est la fornication. Si tu es enfant de Dieu, tu ne vis pas dans la fornication. Vous comprenez quoi? Mais maintenant, comme sur le plan administratif, vous avez besoin de ces documents là pour vous. Ça, c'est pour le plan administratif. Le Seigneur Jésus, c'est la grâce, je vais aller à un moment donné, on va lui dire à Pierre, que votre maître ne paye pas les impôts, ne paye pas la taxe. N'est-ce pas, frère? Jésus ne paye pas la taxe. Il avait un problème. Il a posé la question, à qui est-ce qu'on doit demander les taxes? Ils ont dit quoi? Les étrangers. Donc ils ont considéré Jésus comme quoi? Un étranger. Comme ils l'ont considéré, est-ce que j'étais l'étranger? Ils pouvaient dire que je suis né de Marie. Marie est un juif, donc je suis citoyen juif. Et ils l'ont considéré comme étranger. Jésus a dit quoi? Va, jette le filet là-bas, il prend un poisson. Ils ont pris un poisson, il dit, pèse là pour ne pas l'air. Vous avez le mot que vous avez dit. Donc malgré que le Seigneur était dans ses droits, malgré qu'il était dans ses droits, il a dû payer la taxe pour ne pas scandaliser. Parce que payer ça, ça ne fait absolument rien. S'il ne paye pas, ça ne fait absolument rien. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc quand tu es l'acte de mariage, tu n'es pas l'acte de mariage, ça ne fait pas de quoi que tu sois marié ou que non marié. Ce n'est pas l'acte de mariage qui le fait. Mais pour ne pas scandaliser, ou mieux pour que vous ayez le premier administratif, vous pouvez le faire. Parce que si vous voyagez à l'étranger, vous voulez venir que votre femme puisse venir vers vous. Il va falloir que vous prouvez administrativement que vous êtes marié à elle. D'accord, frère? Prenons la Bible, montrez des choses. Ouvrez le livre du juge. Donc si je veux, je fais la dot. Comment? Si tu payes la dot, sache que tu ne payes pas la dot en vertu du fait que la loi de Dieu dit qu'on paye la dot. D'accord? Voilà. Comme l'a dit le frère, comme l'a dit le compteur, le parent de la soeur est non-croyant, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? On ne peut pas en faire appeler ça présent, il y a moins. Ils vont faire présent. Eh bien, écoute, va toucher la liste. Juste je peux le parce que le présent, quand tu veux voir le tu vas venir, tu vas apporter le présent. Quand tu viens, tu viens pas comme ça, tu viens avec le présent. Quand le serviteur d'Abraham partait, personne ne lui a demandé d'apporter le présent, n'est-ce pas? Celui qui a décidé d'amener le présent là-bas, n'est-ce pas, frère? Il a décidé d'amener le présent là-bas sans que les parents le sachent. Il partait avec le présent en cherchant la femme, avec le présent entre ses mains. D'accord? On parle avec le présent, mais quand tu vas faire, on va dire liste. On dit qu'il faut aller à Bogo là-bas. Il faut après aller à Djamé, voir la tante qui habite là-bas. Puis tu vas au village, au fond. Quand tu vas là-bas, le grand-parent dit qu'il faut le moulinex ici, le moulinex. L'autre dit que mon vélo est gâté par un. Tu vas faire tout ça qui est d'autre. Allez-y. Moi, je dis à ma femme. Voilà. Premier, là, on dit juge, chapitre 17. Je vais qu'on lise quelque chose, d'accord? Dans le livre des. Non, prenez le chapitre 19, des juges. Juge. Chapitre 19, les gens peuvent connaître ça, hein? Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le fit aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur. Et la ramener. Vous avez vu cette histoire, n'est-ce pas? C'est l'histoire de cette femme qui va amener la mort de 150 hommes en Israël. 150 000 hommes en Israël. L'histoire de cette femme-ci. Si vous avez la Bible devant vous, si vous avez l'écriture devant vous, on dit que cette femme-là était qui pour cet homme-là? Elle était quoi? Mais quand on dit qu'elle a quitté la maison, voilà, donc on va dire ça juste quoi? Maintenant, on dit, quand elle a quitté pour aller à la maison de son père pour parler à son père pour la faire le on a appelé qui? Son. Il faut qu'on fasse attention. C'est parce qu'on a été mélangé avec les coutumes ici, les traditions, et même le langage français. Donc, c'est que la Bible appelle par concubinage, c'est parce que la loi ici humaine appelle par concubinage. Parce que la Bible appelle à dire son mari. Et c'est que si un autre homme couche avec elle, celui-ci, cet homme-là est coupable. Mais dès le départ, on a dit qu'elle avait une concubine. On parle d'Abraham avec une concubine. C'est pas ça, frère. Mais concubine, c'est pour ça que vous avez aujourd'hui. Que le concubinage, c'est bien, on reste. C'est-à-dire qu'on vient, on reste pour voir quand on va se marier. Maintenant, regardez, observez encore ceci. Si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 18 et suivant, jusqu'au verset 22. On dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Joseph, Marie. On dit, on commence par Marie. On dit, Marie, qui était fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. avant qu'ils puissent habiter ensemble. Voyez, Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur est venu en songe et lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta fiancée. Alors, le verset dit, Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'il soit fiancé, donc il ne s'était pas encore connu. Quand Joseph a constaté cela, Joseph était un homme de Dieu. Il savait que si une femme va une autre femme. Mais il trouvait les voies de sortir pour pouvoir faire ça secrètement pour ne pas disgracier Marie. Maintenant qu'il était à la pensée, la vision est venue. Là, j'ai dit, ne crains pas de prendre Marie, ta copine. Il a dit quoi? Ta femme. Vous voyez? Donc au ciel, ils sont comment? Sur la terre, ils sont comment? Fiancé. Oui, alors vous lisez la loi dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, vous allez voir. La Bible déclare que si une femme est fiancée, rencontre un chemin, elle rencontre par un homme et qu'on la viole, cette femme-là, si elle n'a pas crié, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait, on va la lapider. Si elle a crié et qu'elle n'a pas sauvé, on arrête la personne, on va la lapider parce qu'il a déshonoré la femme de son cher. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un est en alliance, c'est même des fiancés que vous allez faire. Il dit, ok, est-ce que tu te proposes d'aller dans la femme? Tiens, ça, ils sont mariés. Il était là, si quelqu'un le touche, je vais aller toucher la femme de quelqu'un. C'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, nous avons nos lots. Quand tu es fiancé, il faut que vous fassiez deux ans, bien vous observer. Il faut bien l'observer parce qu'il y a des femmes qui sont des tigresses. Puisque c'est que vous êtes ensemble dans cette façon, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu caches la grille. N'est-ce pas, frère? Cache ta grille. Parce que je vais voir si la femme, si elle vient chez nous, elle va travailler pour ma mère. Puisqu'elle connaît ça, c'est pas chez vous, travaille pour ça. Mais le jour où vous mettez la bague là, il dit parler en encore. N'est-ce pas? Quand il dit parler encore, il va ta mère, il dit que, et toi là? Je n'ai pas épousé toute ta famille, hein. C'est toi qui es épousé. Et là, vous comprenez qu'il y a un problème. Vous comprenez? C'est donc cela que c'est pas à vous qu'on a la ces choses-là, ces choses intellectuelles que nous avons construites autour du mariage, ce sont des prières d'achèvement. Ça fait que vous vivez avec quelqu'un qui est censé être votre compagne. Votre être semblable, mais vous méfiez d'elle. C'est pas normal. Vous tombez avec une femme sur le lit, vous ouvrez un œil comme ça. Pour voir ça, vous suivez votre téléphone. Il y a un problème. Elle ne peut pas connaître l'autre numéro de compte en banque. Le code de votre corps. Et vous dites que c'est votre être semblable. Après, vous dites, moi, je t'aime. Non. N'est-ce pas le Seigneur a disposé du royaume à notre faveur? On pourra entrer n'importe où on veut, non? Pourquoi on ne passe avec notre femme? Parce qu'on a des méfiances. Parce que les traditions nous ont dit, fais attention, le jour où tu livres ton secret à ta femme, elle va te tuer. Tu connais l'histoire de Dalida, non? Oui, et puis là, c'est vrai. Le problème, c'est Dalida, c'est un autre peuple. Nous sommes des peuples saints, il n'y a pas de cachetier avec nous. Je te cherche, je suis de vous. Mais si vous allez prendre une infidèle, une gestion, c'est votre problème. Assumez. Il va vous amener au milieu des parents. D'accord, frère? Voilà, ça veut dire que rentrons devant le Seigneur, rectifions dans nos cœurs. Si vous voulez baiser, suivez la parole de Dieu, marchez comme la parole de Dieu. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, notre question, la première question, c'est que vous trouvez vraiment qui est chrétien? S'il y a une heure, il faut poser cette question. La voici. Si il y a une heure, vous vous posez la question sur qui est un chrétien. Voici l'heure. Voici dimanche. Les bruits partent. Tu demandes n'importe quoi. Tu es quoi? Je suis chrétien. Il ne s'arrête pas chrétien. Je suis chrétien de l'église pentecôtiste de Côte d'Ivoire. Comme le livre parle de Côte d'Ivoire petit, l'autre, je suis chrétien de l'église pentecôtiste internationale. Il ne peut pas. Tu es quoi? Je suis chrétien de racheter. Donc, à l'heure de vous, il n'y a plus de racheter. Il y a un problème sur la définition de chrétien. Mais la Bible déclare que c'est en Jésus pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Donc au départ, le nom des croyants, c'est disciples. Donc, si c'est des disciples, comment est-ce qu'on sait que ce sont des disciples? Jésus a dit, faites des nations des disciples comme la vu ici et enseignez-leur. Donc on voit la vie de la discipline qu'ils avaient en Christ. Et on est tassé dans les chrétiens. Maintenant, on est chrétien par naissance, chrétien familial, chrétien par contamination, chrétien par voisinage. Mon père est catholique, moi je suis catholique, nous sommes tous catholiques chez nous. Eh, ma mère est une fervente croyante catholique, hein. Il y a le fervent croyant maintenant. Le fervent chrétien, droit. Et prier Marie chez nous. Vous voyez le chrétien, n'est-ce pas? Alors, la définition de chrétien se pose au jour. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, les versets 9 et 10, que si l'Esprit de Christ n'est pas en vous, vous ne lui appartenez pas. Ça devait d'abord être le premier. Donc si vous n'êtes pas chrétien de la bonne façon, enfin, il y a un vous devez être chrétien plus simplement. Si vous n'êtes pas chrétien, arrêtez. Ou mieux, si vous voulez être le faux, parce qu'il y a le faux et le vrai. Si vous voulez être chrétien, soyez chrétien. Et si vous êtes chrétien, le chrétien a pour conjonction la parole. Pas les dogmes. Quand vous venez à la tradition, vous êtes des pharisiens. Quand vous venez à la parole, vous êtes des traditionnalistes. C'est la parole pure, le lait spirituel par lequel on doit croire pour le savoir. C'est seulement comme ça. Parce qu'on croit sous la grâce. Vous comprenez, frère, dont la définition des textes se pose vraiment aujourd'hui. Alors ça me pousse à poser la question qui se cache derrière Matthieu 22 que nous avons lu aujourd'hui. Mon ami, comment es-tu entré ici? Ou mieux encore, la question c'est comment es-tu devenu chrétien? La question doit être répondue. Et chacun doit prendre cette question devant le Seigneur. Vous devez confronter votre expérience, votre expérience à la parole du Seigneur. Les expériences, c'est la parole qui va illuminer pour montrer que ton esprit est conforme à la Bible. Comment un homme peut venir et dire qu'il a vu Judas Iscariote comme le Seigneur au paradis? Comment? Oui, mais papa est là, il a eu l'ange Michael. Michael lui a monté le trône de gloire. Ce trône-là, c'est le trône de Dieu. Michael peut-tu mentir? Le Saint-Esprit peut-tu confondre en fait au paradis? En fait, il y a les trônes en miolé avec le l'or. Judas Iscariote se trouve au paradis. Que ce soit des décideurs qu'on ne peut pas comprendre. Quand vous confrontez ça à la parole, vous comprenez que c'est ça lié avec les Écritures. Eh, mes frères, qui a la clé de la mort et du séjour du mort? Où se trouvent les démons? Confrontons. Où se trouvent les démons? Dans le ciel. J'ai ici maintenant, il cherche dans le corps, me dit son corps, le ciel. Il dit, j'ai pris ici, chacun de moi là, je me dis, son corps là, c'est le ciel. Nous savons qu'il y a, des démons sur la terre. Donc finalement, je dis, répondez à la question, les démons se trouvent où? J'arrive quelque part. Les démons se trouvent dans le monde astral. Dans le monde astral. Donc ça veut dire que si il y a des démons dans ton corps, la ton corps, c'est le monde astral. La terre, sur la terre. Ok, maintenant, peut-être que tu as senti mal. Dans les choses du monde, ok. Au-delà de cela, vous devez comprendre que, en dehors du ciel de Dieu, tout le bas, jusqu'en bas, jusqu'au plus profond, on puisse y trouver. Parce que le ciel est en plusieurs strates. Vous savez au moins ça n'est pas. La Bible déclare par exemple que Satan, Lucifer est le prince de la puissance et l'air. N'est-ce pas? On dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les esprits méchants pour vous. Dans les lieux célestes. Mais pourtant, nous avons sur la terre, dans la Bible, Satan qui est venu porter le Seigneur Jésus-Christ et le sacrifice sur une autre montagne. N'est-ce pas, mes frères? J'arrive quelque part. Si vous lisez le livre des Jude, le livre des Jude, le livre qui est avant Apocalypse, et le livre des deux, vous allez remarquer qu'il y a certains d'entre eux qui sont enchaînés dans les grands abîmes du ciel. Vous savez ça, frère? Dans les grands abîmes. Oui, oui. Le divisé en compartiments, comme vous avez les deux, il y a les frontières. Là, on se sent divisé. En haut, c'est divisé. C'est pas vide comme ça. C'est divisé. Il y a des compartiments des religieux en haut. Là. Il y a des rues là-bas, il y a des églises. Église catholique de la Chapelle, les représentations de là, c'est tout là. Vous voyez sur la chaise, c'est tout là-bas. En bas, même chose. Dans les eaux, même chose. Alors, vous avez déjà lu dans la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 20, on dit que les morts ressuscitaient. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer, on a des gens dans la mer. Comment la mer peut avoir les morts? Vous allez poser une question. La mer rendit les morts qui étaient en eux. Le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et tous fugés d'après les œufs qui étaient écrits dans le livre. Qu'est-ce que les morts font dans l'eau? Vous avez lu ce que je dis, frère? Voilà, donc il y a un monde là-bas. Il y a un monde sous la terre, parce que la Bible dit que celui qui est monté, il est aussi descendu dans les régions inférieures, précises de la terre. Il est allé là-bas dans les régions inférieures, tu fais quoi, frère? Je suis au bord de prison. Voilà, il doit se dire qu'il y a des morts là-bas. Il y a l'autre dans le séjour des morts. Il y a l'autre dans l'eau, dans la mer. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Qui envoie dans le séjour des morts? Dieu. Qui fait sortir? Satan se trouve où Lucifer. Maintenant, que dites-vous? Quelqu'un vient vers vous et dit que Jésus allait en enfer, Dieu vit Satan en train de tourmenter les âmes là-bas. Comment vous riez? Ce sont des révélations. Vous êtes en quête de révélations, non? Ce sont des révélations que nous avons aujourd'hui. Dieu m'a envoyé en enfer. J'ai vu comment Satan tourmentait les âmes des gens là-bas. Il tourmentait jusqu'à. Donc Satan a le double clé de Jésus. D'accord? Satan a le double clé de Jésus. Il pense pas qu'il va en enfer, il tourmente les gens, puis il sort souvent, il se promène pas. Oui, tu veux dire quoi? Il y a écouté comme ça, en disant un témoignage, et il disait qu'il est en enfer, que tous ceux qui font dit, ils vont aller en enfer. Tout le monde peut porter qui dit. Même ceux qui jouent sur WhatsApp et Facebook. L'autre aussi, on dit, on a tout, que Dieu a été en enfer, il a monté en enfer, ceux qui ne paient pas les dîmes, les partis qui ne paient pas les dîmes. T'as aussi vu ça? En fait, il paraît qu'il y a une dame même. Il a dit qu'elle a vu Mandela en enfer. En fait, tous les grands, quoi, les grands de la terre. Les sons sont grands, n'est-ce pas? Les sons de Dieu. On a vu le pasteur en enfer parce qu'il ne paye pas les dîmes. Bon, là, je n'ai pas entendu. Donc, si vous ne payez pas les dîmes, vous serez en enfer. Non, j'ai jamais entendu ça. Ok. Lorsqu'on est sauvé, peut-on aller en enfer? Ok. Ouais, ouais, ouais, ouais, l'illégalisme dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça pose problème là. Parce que c'est comme si Dieu t'a donné son Saint-Esprit, et comme tu n'as plus respecté la dîme, désormais il enlève son Saint-Esprit et il t'envoie en enfer. C'est biblique ça, frère? Ok. Maintenant, l'apôtre Paul a-t-il payé la dîme? Non. Pierre a-t-il payé? Non. Jésus lui-même a-t-il payé? Non. Ont-ils enseigné de payer? Non. Donc les premières personnes en enfer, c'est eux. Ah vrai? Parce qu'il a dit qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu sans rien caché. Tu viens de n'a pas enseigné la décision, il a oublié le cas de lui-même, premier, celui qui en a fait, la plus pauvre. Tu penses qu'il est là-bas? Donc, on dit, je ne peux pas le trouver là-bas. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Enseigner seulement droitement ce que la parole dit. Enseigner droitement ce que vous êtes appelé à enseigner. Il laissait les femmes. Il dit, mais si vous voulez les sensations des miracles, des visions, on va vous en donner. Mais remarquez tout attentivement, ces choses sont en imitation. Parce que ce qui est censé venir, c'est le bon dernier jour, je viserai mon œuvre, c'est toute chair, vos fils et vos filles profiteront, vos jeunes gens auront des visions, vos biens auront des songes. Les songes sont bibliques, les visions sont bibliques, mais c'est d'abord venu après le baptême du Saint-Esprit. Si c'est venu avant le baptême, après le baptême du Saint-Esprit, là, on s'est conduit, pas dans les embrouilles, mais les écritures. Vous voyez, ça montre qu'il y a un problème. Je suis prostitué aujourd'hui, Dieu m'a sauvé. J'étais guéri du sida et tu as demandé. Et tu as le sida là, tu sais qui est le sida. Et tu as demandé. Vous voyez ce qu'il en est, c'est sur internet, papa. Pourquoi? En faisant les faux témoignages, ça ne faisait pas que les gens soient convertis parce que c'est la vérité qui convertit. On peut m'en dire, je viens d'un ange. L'ange n'a pas parlé, moi, il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Si ce n'est pas un ange, ça ne marchera pas. Parce que le témoignage doit être pur. Si le témoignage est faux, le Saint-Esprit ne vient pas se laisser là dans le cœur de quelqu'un. Ça aura l'effet pour un peu de temps, ça n'aura pas, ça ne durera pas partout. Parce qu'il n'y a personne qui confirmera ça. C'est pour cela que les gourous sortent et amènent les gens à la perpétuité. En Amérique, il y a un autre qui est sorti en 1979, 1974. Il a fait que plusieurs personnes, plus de 1000 personnes sont mortes comme ça. Ils ont bu le poisson pour mourir. Parce qu'ils laissent venir pour les amener comme ça au paradis. Ils ont mis comme ça la poisson, ils ont tout le monde a bu, ils ont tombé là-bas comme des mouches. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, frère? Il faut qu'on veille à ce que nous écoutons. Veillez à la parole. Je suis devant vous, vous n'êtes pas ouvert la Bible. Je vous parle de l'élevage, je vérifie que vous ouvrez la Bible, pipi, vous vérifiez. Vous devez vérifier ainsi. Au-delà de cette vérification, vous avez une confrontation à voir avec le Saint-Esprit. Vous comprenez, frère? C'est en cela que je suis là. Donc nous allons prier. D'accord? Nous allons gêner et prier. S'il n'y a plus de questions, je vous recommande à sa grâce. Il y a aussi une préoccupation. Parce que lorsque tu parlais, tu as dit que la vie que le Seigneur Jésus s'est descendu. Tout à fait, voilà. Bon, maintenant je voudrais savoir. Parce qu'il est enseigné souvent que Jésus-Christ a dit qu'aux enfers. Bon, c'est pas qu'est-ce que vous pensez de cette doctrine. La descente des enfers, voilà. Le premier état est mort. Vous voyez, il y a un problème entre dans les traditions, la compréhension avec notre langage. Ce que vous appelez enfer, le mot enfer, c'est tout pas dans la Bible. le mot enfer. C'est que les gens confondent le séjour des morts. C'est ça le séjour qu'on a connu par enfer. Et la géhenne. Oui, vous dites la quand tu vas aller en enfer, vous voulez qu'il meure pas. Parce qu'il y a un séjour pour les morts, c'est ça qu'on appelle enfer. Mais le problème, c'est qu'avant que Christ ne vienne, tout le monde partait dans le séjour des morts, mais c'était divisé en compartiments. Le conseil du peuple, c'est divisé en compartiments. Le séjour des morts. Et là, quand il est mort, il a amené la captivité pour ceux des gens qui sont fus à l'âge avec lui. Il les a amenés. C'est-à-dire que quand ceux de l'arrière meurent, ils descendent plus mort. Vous me saisissez. Si vous lisez votre Bible dans le livre de S.A.M. Oui, mon cher. Tu dis que ceux qui sont en alliance avec le Seigneur, s'ils meurent, ils montent où? Bonne question, bonne question. Regardez. Quand vous lisez le livre de Samuel, lorsque Samuel, comment s'appelle Saül, était en disgrâce devant le Seigneur, il a cherché une. C'est comment s'appelle la sorcière là? La sorcière d'Andor, la commencière. Et puis quand elle a consulté, le prophète Samuel est sorti d'où? Il dit que quand il parle des exemples de la Bible, vous comprenez ce que sont les gens, non? Vous connaissez l'histoire dont je vous ai parlé. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28, ça, il se trouve là-bas. Alors, je pose la question. Quand Samuel, Saül s'est présenté à cette femme, il a dit qu'elle n'est pas là. Elle a dit fais-moi monter celui dont je vais te parler. Il a dit fais-moi monter. Vous savez, fais-moi monter. Quand il a fait monter, quand la femme a pu la cuire, souvenez-vous, c'est la femme seule qui a vu Samuel n'est pas là. Parce que c'est dans l'autre dimension. La femme a vu, elle a crié. Elle a écrit pas, elle n'écrit pas. Dis-moi ce que tu vois. Donc lui, il ne voyait pas. Il dit, je vois un vieillard revêtu de manteau qui monte de la terre. Il appelait un dieu. La Bible déclare, Saül comprit qu'il s'agissait de Samuel. Alors Samuel s'est présenté là-bas dans son vêtement. Il a dit, pourquoi vas-tu troubler dans mon repos? Vous voyez ça, n'est-ce pas, frère? Donc Samuel était où? Il était comment là-bas? Il dormait. Il s'est reposé. Maintenant, vous lisez Luc chapitre 16, à partir du verset 19. L'histoire de riche, l'homme riche et de Lazare, Jésus raconte que le monsieur riche s'est fait les morts, on l'a enterré. Puis on dit que le pauvre a été amené en haut. Les anges ont été en haut. Donc il y a eu dislocation entre les deux, une séparation. L'un est descendu, l'autre est monté. On dit qu'étant dans le séjour des morts et en proie au tourment. Donc lui, celui-ci, il était au tourment. Samuel était aussi en bas, mais dans le repos. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le juste et les injustes ne pourront pas aller même dans le séjour des morts au même endroit. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, celui-ci, tu as bien compris. Voilà. Alors, ça veut dire que Samuel, lui, le lieu du séjour des morts était pour garder. Parce qu'il fallait qu'on garde pour que la voie qui avait été fermée par les chérubins dans la Genèse soit ouverte. C'est ici, ça, frère. C'est le Seigneur qui devait inaugurer cette voie-là. Il fallait qu'il traverse des cieux en inaugurant par son sang. Parce qu'il fallait que les choses qui sont en haut, qui ont été sauvés, soient sanctifiés. Dit la Bible. C'est pas ça, frère. Voilà. Donc, c'est pas son sang. Il n'a pas seulement sanctifié les choses ici. Il a sanctifié même le ciel. Même la voie pour aller au ciel, il a sanctifié. N'est-ce pas, frère? Alors, il a besoin de son sang d'avoir pris l'augure. C'est donc pour cela que Jésus pouvait dire à celui-là qui était à la croix avec lui, aujourd'hui, tu seras avec moi où? Au paradis. Et alors que le paradis avait été fermé depuis, pas vrai? Parce qu'il inaugure le paradis ce jour-là, la voie devait être ouverte. La porte pour lui y a été, pas vrai? La parole y a été. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit je connais un homme, il y a des années 14 ans, plus ravi. Si c'était dans son corps, plus est ce corps de son corps. Parce que la vision est tellement réelle, c'est pas si il est parti avec cette corps-ci, mais j'avais le même corps. Il dit qu'il restait, il faut être ravi où? Jusqu'au troisième ciel. Puis il appelle ce troisième ciel quoi? Le paradis. Le paradis, c'est tout situé au troisième ciel. Maintenant, ce n'est pas le ciel du Seigneur là-bas. Vous voyez? Parce que le seul trône ne se trouve pas au paradis. Bon, je pense que vous saisissez. Voilà. Donc le trône ne se trouve pas au paradis. Parce que le trône, le lieu du trône du Seigneur, ce n'est pas là-bas, c'est plus haut que cela. Parce que les gens disent, vous voyez, d'autres personnes, quand ils ne comprennent pas les choses de la Bible, ils disent que non. Quelqu'un quand même ne va pas au ciel. Mais ce n'est pas la partie du corps qui est à l'intérieur là qui va dans le tombe. Vous voyez, malgré que le Seigneur était couché, quand David parlait, si tu ne permettras pas que mon âme, que mon âme demeure dans le séjour des morts, son âme doit être quelque part. L'âme doit être quelque part. La chair doit être poussière, parce qu'elle est sortie de la poussière. Mais le problème, c'est qu'avant que la chair soit faite, l'homme était d'abord été créé. Vous voyez, alors la Bible déclare que l'esprit de tout à qui à Dieu qui l'a créé. Maintenant, l'âme, c'est son problème là-bas. Le problème, c'est au niveau de l'âme. L'âme a une destination. Et donc, Matthieu, chapitre 10, verset 28, nous dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Vous voyez, craignez plutôt ceux qui peuvent tuer l'âme, le corps, mais ne faire périr l'âme dans la gêne. Vous voyez, donc il y a le corps seul, il y a l'âme seul. Donc, c'est l'âme qui a une destination. Et c'est sur l'âme que le Seigneur Jésus est venu exercer ces choses. Maintenant, quand l'âme de quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus meurt, il part dans le lieu de repos. La porte Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5, il dit que j'ai désinvité cette âme pour aller auprès du Seigneur. Ce qui est pour davantage des meilleurs. Mais à cause de vous, il demeure encore ici. Donc quand le chrétien dit, c'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas, ils disent que non, le ciel n'est pas encore ouvert, on ne peut pas encore entrer au ciel. Parce qu'ils croient que le ciel c'est un seul. C'est-à-dire que quand tu la terre, on est censé entrer le ciel de Dieu, c'est en plusieurs compartiments. On dit les cieux ne peuvent même pas le contenir, le Seigneur. Donc c'est en plusieurs niveaux. Satan a le domaine du ciel, il contrôle, il a son contrôle là-bas. Vous lisez l'Apocalypse, on dit que quand l'église va monter, il va maintenant être expulsé définitivement pour venir régner sur la terre. On dit maintenant que ceux qui vont être sur la terre, qui vont monter maintenant, les régions de la terre maintenant vont être occupées et infestées par eux directement. Qui pourra se manifester ici. Vous voyez, on dit qu'il vient dans le ciel, il cherche, il en est combattu. Et le dragon aussi combattu. Il ne peut plus trouver de place pour eux là-bas dans le ciel. Et il peut précipiter où? Est-ce qu'ils sont sur la terre maintenant? Donc ce n'est pas encore compris. Vous voyez, donc on monte, il veut qu'il doit descendre pour prendre la place. Il ne peut pas se manifester là parce que le ciel est encore sur la terre. Et un chrétien commence à dire non, il n'y a pas pour le ciel, on meurt, on reste à la tombe. Donc son corps pourrit avec l'âme. Le corps n'est pas de l'âme n'est pas de la même nature que la terre, parce que l'âme n'a pas été faite par la terre. C'est pour ça que le séjour est mort, le séjour ne peut pas détruire l'âme. Il faut que ce soit la gêne pour se détruire. Monsieur mes frères, vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, dans le ciel, c'est divisé en plusieurs compartiments. Les cieux contrôlent Satan, les niveaux des cieux contrôlent Satan. C'est en plusieurs compartiments. C'est écrit dans votre Bible. La Bible déclare que là, dans les cieux, même chez Satan, là-bas, il y a des âmes, des démons qui sont enchaînés. Il dit bien en haut, ils sont enchaînés. Enchaînés pas avec les choses que vous avez sur la terre, enchaînés comme ça. Enchaînés éternellement dans les ténèbres. Vous comprenez cela? Dans ces régions là-bas, contre des pays. Dans Daniel, vous voyez comment l'ange dit il m'a même combattre le prince des âmes. Vous comprenez cela? Parce que là-bas, c'est une catégorie. Il y a des anges qui sont assignés à des pays, à des gouvernements, à des peuples, à des chefs d'État. Tout à l'heure, vous parlez de l'image de votre pays. Quand vous voyez de l'autre côté, vous pouvez prophétiser à ce qui a dû arriver. Vous restez tout simplement, vous voyez sur l'aspect physique des choses. Quand il y a un renversement dans le ciel, la manifestation sera sur la terre. Tu l'as bien, on attend seulement que ça s'accomplit. Vous allez dans les yeux, vous dites, non, c'est qui sera au pouvoir. Priez pour votre pays. Dans l'arrière-pays, il y a le feu. Dans cette ville, il y a l'élimination qui est préparée. Donc, priez, il n'y a pas de la Côte d'Ivoire. Priez pour qu'une nuit, soudaine, il n'y ait pas de mort de noyade. Alors, ça sera terrible. Ça veut dire les grenouilles dans l'eau. Ça va venir dans la ville. Pas dans la ville où je me trouve. Dans la ville où je me trouve. C'est-à-dire que les gens s'élèvent, elles se gardent la terre. Et que pour que personne ne soit enchaîné dans l'âme. On va chercher les gens, on va dire, ici il y avait une habitation, il n'y en avait même plus. Ça arrive. Le déluge quoi? C'est pas le déluge ça. L'inondation. L'inondation, c'est pas une inondation, c'est pas juste la qualité qu'il y a. Il dit que ceci arrive la nuit, et le matin ça suffit. Donc priez. Soyez prêts avec le Seigneur à tout moment. Soyez prêts. Donc ça arrive sur votre pays, ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, priez, écoutez tout attentivement. Quoi qu'il faut que nous laissions, c'est plus une mission de garder cela. Priez. Priez pour que la réjouissance des uns ne crée l'instabilité encore. Priez pour que la réjouissance des uns, à cause d'une nouvelle de l'étranger, ne crée la dislocation encore en milieu. Parce qu'en réalité, ça arrive. Comprends ce que je dis. Ah, on est content maintenant. Alex, c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait. Ah, on est content. Et puis ici, on ne se prépare que tard maintenant. Vous comprenez ça? Donc, oui, ça arrive. Ça va encore, c'est les buts. Ok, j'ai parlé. Alors maintenant, suivez-nous de ceci. Souvenez-vous de ceci. Je vais encore revenir maintenant et je le quitte devant le Seigneur et dans la Côte d'Ivoire. J'ai dit ce qui arrive sur le trône de la Côte d'Ivoire n'est pas la question du loup. C'est la question du trône qui a été souillé dès le départ. Et la façon de régénérer cela, c'est la repentance, le pardon entre les acteurs. Parce qu'il y a quelqu'un au milieu de là maintenant. C'est votre président. C'est votre président. Il sait et connaît que son état de santé est effectif. Il ne se prépare déjà à prendre la relève. Mais il est très proche de lui. Combattu ensemble. Mais il a un autre regard là-bas, mais avec un langage. Vous devez prier. Je le dis étant en Côte d'Ivoire. Et je le dis devant vous. Je dis ça parce que c'est mon pays. Vous voyez l'histoire? C'est mon pays. Alors, priez. Pour que l'inondation ne supprime pas, il y aura les morts. Mais priez. Vous devez rester dans la prière. Parce qu'un matin, l'eau va faire boum. Rappelez les villes, le plus grave des problèmes, c'est que ça va surprendre les gens qui savent aller dans la nuit et autres. Et même le secours ne pourra pas. Ça c'est pour ici à Abidjan. Mais à l'arrière pays, je vois un style de feu, le feu qui va jusqu'à brûler même l'écriture. Ça c'est grave, ceci c'est grave. Les cultures. Et puis, il y a l'ouest de la Côte d'Ivoire qu'on devait se passer là-bas, la tempête avec le souffle. Qu'est-ce que les gens devaient faire, ces gens de pouvoir? Ils doivent appeler à la réconciliation. Cette réconciliation consiste à mettre tout le monde au même de l'église et demander pardon les uns les autres. Ils demandent maintenant que les hommes vont construire ce pays dans la paix. Si vous êtes d'une tribu, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au pouvoir que vous faites partie du pays. On est d'abord d'une même nation avant d'être des ethnies différentes. Nous avons convenu que la constitution règne sur nous, ensemble, c'est-à-dire que c'est la même loi qui nous régit. Ce n'est pas le langage qui change les gens. D'accord? C'est le même territoire que vous êtes. Et Dieu a les relations. Alors, préparez-vous. Préparez-vous. Cette équation est faite pour que les gens réfléchissent. Le Seigneur a signalé sa présence une fois. Signalé deux fois pour amener à la répentance. Les gens ne comprennent pas. Après, les gens subissent encore le nom de Dieu davantage pour aller blasphémer. Pour avoir de l'argent dans cette même personne sans le dire la vérité. Concernant la première, que, par rapport à Abidjan, en fait, inondation. Vraiment, je suis un peu étonné. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un que je connais, qui est proche de moi, qui a eu une vision. Une vision disant que Abidjan sera inondé. Une vision. Et il y a eu des études qui ont été faites où les scientifiques affirment que le grand bassin qui est là va disparaître. De toute façon, si les oracles ont été donnés chez vous, je ne donne pas les oracles des autres. Je me suis tenu ici, je vous dis et vous dis ce que j'ai à dire. Sur mon pays, j'ai dit les choses depuis 2009. J'ai craint mon pays. Parce que ce sont deux pays jumeaux qui, les mêmes choses ne se passent pas de l'autre côté là-bas, à quelques exceptions près. Mais le couvert de l'enfantement là-bas, ça sera grave chez nous là-bas. Vous êtes habitué à ces difficultés. Il y a des gros vents chez moi qui ne comprennent même pas que s'il faut jeter 3 jours, ils ne vont pas pouvoir jeter. Et puis la terre a tremblé ici. Ça a tremblé, n'est-ce pas? Ça a tremblé ici, il y a un moment. Je crois que ça fait combien d'années? Oui, au courant. Non? Deux ans. La terre a tremblé. Deux ans. C'est là-haut. Oui. Je suis sur le littoral. Ce qui n'est pas normal, n'est-ce pas? Les gens ne forment pas. Les gens. Vous ne pouvez pas parler. Donc, souvenez-vous de ce que je vais vous donner ces choses. C'est sans commentaire. Vous pouvez seulement prier. Je vous donne seulement la pensée du Seigneur, la direction. Ceci n'a pas de question, ici déjà. Je vous donne la pensée du Seigneur. Quand ça arrivera, ne dites pas que j'avais dit ici. Donc, je vous donne la direction. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans un endroit où ça va vous atteindre. Préparez-vous tout simplement. Dans un autre endroit, plus je parlais de l'Amérique. Il disait de l'Amérique, il dit que ceux qui sont en Amérique, quittez l'Amérique, ceux qui sont en Boïse, parce que quelque chose de terrible va arriver. Vous voyez, et là, il dit, ceci va arriver, parce que vous n'avez que deux alternatives. Sans vous y être, vrai. Pourquoi tu te préserves là pour devenir l'homme de Jésus? Ou bien vous quittez tout simplement. Et Jean dit, ah, il y a la Camille. Le moment où va arriver, je regarde les arrières, ils sont saturés au point où personne ne peut bouger. Donc, pour vous, il doit fuir. Donc, Abidjan, réveillez-vous. Demandons pardon à Dieu. Il y a beaucoup de sacrifices qui se font. J'arrive. Ceci, ce n'est pas arrêtable. Je vous informe seulement. D'accord, pour vous prenez les dispositions. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, Lorsque Abbas est venu annoncer la famille qui devait avoir lieu, il ne dit pas qu'il faut qu'on prie que la famille n'arrive pas. Ça va arriver, on se prépare. D'accord? Quand Dieu appelle la famille sur la terre, il donne l'information. C'est quelque chose qui doit arriver. Mais le but de la famille, c'est pour avoir la correction, c'est pour pas. Ces choses, c'est fait pour annoncer quelque chose. Que Dieu a le vouloir pour l'université, pour avancer quelque chose. Pour montrer qu'il peut toujours entrer en action au milieu des hommes, dans le peuple de Satan qui voit les choses. D'accord? Et il cherche comme ça le cœur à lui. Donc il faut qu'on se retourne à Dieu. Ce sont des esprits qu'on utilise sur la terre à l'école au nom de Dieu qui amènent ces choses. D'accord, frère? Oui. En fin de compte, je n'ai pas pu. Il faut passer des dons que les noms imposent aux enfants de Dieu qui veulent marier par le Seigneur. Okay. Voilà. Je crois que c'est quelqu'un qui a compris pour résumer ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il dit, frère? Bon. Donc ça veut dire que chacun a compris sa mission ici. Je vous donne l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui étant dans le temple, passait dans le temple, on lui a exilé quelque chose et qu'il n'était même pas nécessaire qu'il le fasse. Oui, et il l'a fait, mais ça l'a ajouté rien, n'est-ce pas? Ah, voilà. Oui, frère. Par rapport à la prière, puisque c'est des événements qui vont arriver certainement, comment on peut, on va prier, mais qu'est-ce que c'est le contenu de nos prières? Qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur de façon concrète? Merci beaucoup. Il a compris. Ça, c'est la question concernant la direction. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Comment il veut qu'on fasse par rapport à ceci? La chose, c'est ceci. Qu'est-ce qui amène ceci? C'est le sang innocent. Les crimes qui sont commis là-bas. Attendez, regardez. Je vais vous dire quelque chose. Je vais suivre attentivement ceci. Vous avez vu le Gabon? Vous avez vu le Gabon? Le Gabon, tout juste à côté du pays en bas. Les sacrifices qui font. Les sacrifices qui sont faits sont terribles. Pourtant, de ces semaines se préparer. On prend pendant qu'on a des prières, quand on se met à genoux, le Saint-Esprit dit prononce le silence. Vous voyez cela? On a des prières, on est à genoux. On a des prières, Père, miséricorde, préserve ces gens-là. Il dit prononce le silence. Il dit silence au Gabon. Silence au Gabon. Silence au Gabon. Ça a calmé la chose qui était là-bas. Toutes les vérités ont été calmées. Vous voyez, mais ça a été calmé, ça n'a pas été ôté parce que les sacrifices qui là-bas. Quelque chose va arriver. Deux, trois générations et puis ça va s'élever. Il faut que les chefs, je ne sais pas comment ils font. Ils ne comprennent pas que c'est le Dieu qui démine sur le pouvoir. Ce qu'ils font, c'est qu'ils montent le pouvoir. Après, pas dans les sexes, ils commencent à voir le sang. Fait ceci, en faisant ça, ils mettent le peuple. Tout le peuple. Donc maintenant, ici, quelle est la direction du Seigneur? La direction du Seigneur, ce n'est pas. Vous savez, d'autres personnes en train de dire que non. Il ne faut qu'on pas évangéliser pour que les gens croient au Seigneur. Ce n'est pas ça qui faut. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, ça n'amène pas les. Ça n'a pas les maléfices sur la terre, sur le sol là-bas. Ça n'amène pas ça, ça n'enlève pas ça. Il y a une façon de faire. D'accord? Dans vos prières individuelles, demandons pardon pour le crime de ce pays-ci. Pour tout ce qui s'est fait, pour même vous n'êtes pas au courant. Tout ce qui est construit sur la terre, souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit. Souvenez-vous de l'Ancien Testament. Le pays dans lequel vous allez entrer, il prend ses valeurs, il tue ses habitants. N'imitez pas les actions de faire de ces nations-là. Le pays, la terre va les vomir. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Ces actions-là, ça va les faire vomir. C'est degré après degré, c'est tout le pays, c'est dans tous les états. Quelqu'un dit, ok, c'est seulement la Côte d'Ivoire qui fait comme ça, chacun son état. Quand dans Luc de Genèse, chapitre 15, quand Abraham a appelé par Dieu, il a monté les étoiles là, il dit qu'à la 4e génération, les descendants de la prospérité vont sortir venir ici. Il dit parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore atteint à son corps. Donc, les Amoréens péchaient. Dieu voyait, il y a un niveau qui l'attendait pour frapper. Vous voyez ça, frère? Donc, c'est niveau par niveau. Tous les pays sont livrés à l'idolâtrie. Mais chacun a sa punition de sanction, étape après étape. D'accord? Maintenant, si elle n'est pas qui doit arriver à une nation, Dieu t'a envoyé ses serviteurs pour parler de ça. Plus grave encore, il y a même les serviteurs sataniques qui peuvent savoir ces choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Même les marabouts, les oracles peuvent savoir ce que je veux dire là. Mais il y a des domaines qui ne peuvent pas pénétrer. Il y a des domaines qui ne peuvent pas pénétrer. Ce qui se dit, c'est évident. Vous pouvez mettre le pied sur la terre, vous savez de quoi il est question sur cette terre. Quand je vais en France, je sais exactement ce qu'il y a comme esprit là. Vous allez en Allemagne, vous savez, un autre style d'esprit. Ici, c'est un autre style d'esprit. La sorcellerie sent seulement ici. La sorcellerie, c'est dans la cour des gens qui sont avec la sorcellerie. Les gens, le fétiche, on est trop avec la tradition, le fétiche, les coutumes. Vous voyez, frère? Alors le Seigneur veut que vous priez de façon individuelle pour la repentance pour votre pays. Ne demandez pas d'abord. Prenez la responsabilité sur vous comme Daniel le dit pour son peuple. Oui. Je voulais savoir, après cela, les changements venus. J'ai commencé en parlant de l'Ouest d'abord. Donc, je ne parle pas plus que cela. Toutes ces choses, je l'ai déjà dit. Un de ces jours dans l'enseignement, je ne sais pas en quelle année, j'avais dit un pigeon qui avait parlé de notre président actuel, n'est-ce pas? J'avais dit qu'un pigeon m'a parlé. Vous avez suivi cela? J'avais parlé d'un pigeon m'a parlé. C'est Alassane Ouattara qui ira à l'hôpital en urgence. Vous avez suivi cela, n'est-ce pas? Oui. Donc, je suis dans le lit, en train de dormir. Il y a un papaya à côté de la chambre, j'entends un pigeon qui vient se mettre là-bas. Nous sommes à 7. Vous êtes venu tout le tour. Le pigeon est en train de parler, je ne comprends pas ce que le pigeon dit. Moi-même, j'étais étonné pour le jour. J'étais étonné. Ça m'étonnait. Le message qui était là-bas, ça descend à Côte d'Ivoire et qu'il devait faire. Et puis, j'étais étonné dans la. Je ne dis pas que je suis en train de dormir. Je ne dis pas que je suis en train de dormir. Il dit c'est 7h du matin. Je suis réveillé du lit, je suis allongé sur le lit, les yeux sont ouverts. Le pigeon se positionne là, il parle. Vous entendez ces sons-ci. Mais j'entends ce qu'il dit avec. Que Alessandro Ouattara sera amené à l'urgence à l'hôpital. Il va être amené à l'hôpital. Dieu lui fait attention à la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut appeler la réconciliation. Le pigeon ne dit pas frère. Il dit quoi? Vous savez, là, quand le pigeon parle, j'entends, pendant que Baba, moi j'ai feuilleté la Bible dans mon cœur. Vous dites, est-ce que c'est possible? Puis je trouve la parole, un grand prier dans le ciel, en criant dans la voix de l'évangile éternel, au peuple de la terre, que les pampiers vous plaît, en train de parler, en train de nous en évangile. Ok, alors, un changement arrive, un jeune qui arrive, mais au côté de celui qui est ici, se trouve un malin, un brisé. Avec le langage qui peut être proche de la Bible. Proche de la Bible. Un discours. Il ne peut pas esquiver à sa destinée. Il ne peut pas esquiver à sa destinée. Il ne l'esquivera pas à sa destinée. Donc il tournera. Il tournera. Parce qu'il a le soutien logistique des militaires. Ça ne marchera pas. Bon, bonsoir. Amen. Bien, bon, vraiment. Bon, je pense que les frères et sœurs pensent le baptême. Oui. Bon, de toute façon, il y avait quand même quelques questions, mais bon, on va laisser comme ça, parce que les uns et les autres sont fatigués. Voilà, surtout qu'il y a des baptêmes à faire. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bien, donc, on va prier. On va se lever pour prier pour prendre la réunion. Voilà. Et on va donner la parole au frère Lambert de prendre la réunion par la prière. Bon, c'est qui peut être que dans la part là, vous avez ce que vous voulez dire pour moi. Donc, je pense que si je dois prier, ben oui, à ça, je vais donner un petit témoignage. Vous savez, comme on l'a dit, le frère vient de le dire. Aujourd'hui, nous avons vraiment la parole. Mais ce qui nous manque à cette parole, comme j'ai toujours dit, c'est la puissance de Dieu. C'est tout ce qui nous manque. Bon, j'ai toujours dit ici, je crois que sur Matthieu 26, j'ai même prêché ce message ici. Et en fait, quand on va arriver dans le temps, quand nous étions de l'autre côté, nous avons dit que l'Éternel était l'homme prudent, le fidèle et prudent. Et qu'il avait un conseil selon lequel il va préparer le peuple à l'enlèvement. Donc, le conseil de Dieu dit là, c'est de lui qu'il faut emmagasiner pour être enlevé. Bon, il faut dire que dans un temps, on va être plus assez. Mais après, la voix de l'Église de l'Afro. J'attends simplement pour pouvoir demander cela, pour que je dise que non. En fait, dans Matthieu 27, nous mentionnons d'abord de la langue et de lui. Lui, d'abord la parole, la langue, c'est la parole. Mais lui, ce n'est pas une parole, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le baptême Saint-Esprit. Voilà. Sans le baptême Saint-Esprit, il est impossible d'être en levée. La différence entre les vieilles formes et les vieilles sages, c'est le baptême Saint-Esprit. Tout simplement. Donc quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême Saint-Esprit, c'est un aveu spirituel. Vous voyez. Quand je pense à certains, essaie de me contredire, un moment. J'avais un collaborateur, j'ai commencé à parler du Saint-Esprit. Il dit, frère, si tu fais venir le Saint-Esprit, ça va tuer des gens. On n'est pas encore prêt. Mais on sera prêt quand? Vous voyez, on sera prêt quand? Si tu vis une vie incorrecte, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas prêcher ce qui est juste. Vous voyez? Donc, on a résisté, on a résisté. Mais Dieu envoie quelqu'un de très loin pour récupérer le message. Alléluia! Donc, c'est la vérité. Et il a dit que il a encore quelque chose. On lui a dit que celui qui prend le fil de Côte d'Ivoire, c'est comment on appelle sorcellerie et puis fabrication. Je me souviens très bien. Non, dans les années peut-être 80. C'est ce frère qui a eu un songe. Dans le songe, on lui a dit, l'Église ne va pouvoir casser ta d'adultère et de fornication. L'Église ne va pas dire ça d'adultère et de fornication. C'était comme ça jusqu'à ce que la foi s'éteigne. Oui, oui, oui. Bon, peut-être qu'on n'avait pas trop compris, le frère vient encore de réitérer. Ça, il y a des trucs prophétiques. Moi, je crois. Alléluia. Donc, ça peut dire quoi? Il faut, premièrement, renoncer à ça, se sanctifier, être rempli de cet esprit. Sans cela, frère, ne va pas bouger. Vous voyez? Ne va pas bouger. Une fois, c'était à Colossus, que le Seigneur m'avait parlé du baptême de cet esprit. J'ai commencé à prier un peu là. Bon, il s'est venu ici, j'ai parlé un peu de ça, mais on a commencé à me poser des questions. Je suis parti. Je voulais même venir un jour organiser une réunion pour ça. Comme j'ai vu que les gens n'étaient pas disposés, je suis parti. Mais je suis allé à Trapalier. Une église que dans le temps j'avais fondée, je suis allé chez Annoncé. Il n'y a pas eu de résistance, j'ai dit bon, on va prier pour le baptême de Saint-Esprit. Mais ce jour-là, les gens ont vu la différence. Parce que celui même qui dirigeait, ça fait 30 ans qu'il a conduit, il n'a jamais fait l'expérience, mais ce jour-là, il a fait l'expérience du baptême. Et il a témoigné. Alléluia. Peut-être s'il était ici, il avait un témoignage. Et ce jour-là, d'autres personnes ont fait l'expérience du baptême. Par le baptême de Saint-Esprit, ce n'est pas un truc intellectuel, c'est du concret. C'est du concret, il faut vivre. Oui, il faut vivre. Donc, je remercie que le frère est venu. Peut-être qu'avec la série du jeu de prière et les prières qui vont se faire, vous allez voir certaines manifestations. Alléluia! Et je crois que Dieu a commencé à réveiller la Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. Elle a commencé à réveiller la Côte d'Ivoire. Donc, même à Kanoa, quand j'avais prié, j'ai commencé à ça pour prier pour le baptême de Saint-Esprit. Il y a un frère qui s'appelle. Allez, on a prié, il n'y a rien de plus. Il se dit, mais est-ce que c'est ça? Mais je suis allé avec lui dans un autre village, chantier. J'ai dit, bon, je suis venu pour qu'aujourd'hui on prie pour le baptême de Saint-Esprit. Mais quand on a commencé à prier, on a fait 40 heures à jeûner. Parce que prier pour le baptême de Saint-Esprit, ce n'est pas les prières qu'on fait à 15 minutes. Non! Quand on a commencé à prier, à la 4e heure, il a été saisi. C'est un petit sac comme le frère tombe, il n'a plus plein. Il est tombé, il est dans la vie, même c'est sali. Quand il s'est levé, Dieu a commencé à lui poser des questions, il a commencé à séparer des gens dans la famille. Alléluia! Où voyez-vous? Quand la puissance de Dieu se manifeste, il y a la crainte de l'éternel qui est là. Parce que si tu as été accroché, tu ne cherches pas le sein de tes actes, il va te mettre toi. Tu vis comme ça, toi tu fais ça. Mais si on est à devenir comme ça, tu ne vois pas la fin. Vous voyez. Donc ce qu'il faut à l'église, ce n'est pas dans les enseignements. C'est vrai, on se rassemble, on discute, on fait. Mais ça, ça nous avance pas. Seul le baptême de cet esprit peut faire avancer. Et quand la chose va venir, telle est une grande différence. Une différence entre le chrétien que vous êtes et le chrétien que vous êtes aujourd'hui. Le chrétien et le chrétien que vous êtes aujourd'hui. Donc vraiment, je remercie le frère. Peut-être que si on a du mal de juger quelque chose, ce n'est pas trop grave. La Bible dit, si à quelque point vous n'êtes pas d'accord, restez ensemble, car le Saint-Esprit éclairera par la suite. Vous voyez, c'est ça qui l'écriture. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tant qu'il passe. Mais avec le temps, le Saint-Esprit nous éclaire. Priez, priez d'abord que le Saint-Esprit soit là et l'éclairera par la suite. C'est tout ce que c'est. Donc, c'est ce témoignage que je voulais vraiment rendre avant que le Fils se lève pour prier. Parce qu'un nouveau jour va se lever sur la Côte d'Ivoire. Amen. Tout à l'heure, vous prenez, vous mettez tout simplement dans le genre de Père en Côte d'Ivoire. Ils vont nous dire exactement ce qui s'est passé à l'état. Et à la parole de nous, un témoignage de paix a été enregistré dimanche même. Dans la zone de Grand Laou, située. Le texte est là. Et puis, pour nous donner le flambement, le temps le plus puissant en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes progressivement, c'est doucement, doucement. Nous sommes dans une zone vraiment sismique, très chaude. Et il y a eu vraiment quelqu'un très autorisé qui a eu une vision et qui a dit que vraiment il a vu, comment on appelle, les choses qu'on appelle. En fait, ce dont le frère vient de parler là, voilà, c'est-à-dire qu'une inondation, les gens. C'est pas une inondation, c'est une inondation historique, c'est terrible. Et après, la parole a confié à tout le comportement des gens. Voilà. Donc, aujourd'hui, par exemple, une fois j'ai assisté à un film où Pierre et Paul parlaient. Parce que, on dit, Paul disait des choses difficiles que ceux qui ne comprennent pas par le sens de leur propre vie. Parce que Pierre reconnaissait que Paul était un messager de Dieu. Mais seulement, il dit des choses que eux-mêmes, souvent, ils ne comprennent pas. Mais néanmoins, il ne veut pas contredire Paul. Il savait que c'était un envoyé de Dieu. Et bon, il l'acceptait. Et un jour, j'ai vu dans le film où Paul et Pierre discutaient. Pour dire que non, la loi de l'homme, en tout cas, c'est plus valable pour nous. Pierre dit, est-ce que nos parents ont vécu jusqu'à la mer? Est-ce que Paul, donc ils ont jeté jusqu'à la mer, finalement ils ont attendu que vous papa. Où allez-vous? Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Avec la présence de cet esprit, il y a beaucoup de choses qui ont été dissipées. Donc à certains de nous soumettre à la présence de cet esprit, et beaucoup de choses vont être apportées. Tout à l'heure, nous allons nous. Notre Père Céleste, nous voulons vraiment te dire merci parce que c'est toi qui conduis ton œuvre, ce n'est pas un homme. C'est pourquoi c'est à toi toute la gloire. Alors nous remercions vraiment pour le message qui a été apporté au Père Céleste et nous te demandons, Père, de continuer l'œuvre que tu as déjà commencé et de l'achever. Père, nous comptons vraiment sur le Seigneur de ta grâce. Maintenant, pendant que nous allons disperser, sois vraiment avec chacun de nous et conduis-nous et fortifie chacun de nous. Pour que le Père, nous puissions encore nous trouver ici autour de cette parole. Que le roi la gloire nous revienne, c'est dans le précieux nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. D'autres informations, je crois qu'il y a. Non, le Babi. Mais le Babi, c'est à 17h. Hein? 16h, non. Voilà, à partir de 16h, la réunion commence. Hein? Voilà. Que ceux qui vont au travail, dans 16 heures jusqu'à 20h, je suis au voilà, pour que les. Pour que. Voilà. Maintenant, le baptême, je pense qu'on. On va faire ça maintenant. Bon, mais combien ça sont. Bon. C'est à combien? C'est à combien? Mais qui ça? Non, c'est pas étant, c'est pas étant. Le matin, là. Je suis dans le parc, là. N'oubliez pas vos portables là. C'est la femme. Les femmes, hier vous avez laissé les pailles ici. Ah, je vais mettre bien comme ça. Important. Je ne vais pas ici, je ne peux pas aller. Souvenez-vous, frères bien-aimés, j'aurai le temps de causer avec chacun de vous, un à un. Amen. Donc j'aurai le temps, on aura à causer. Peut-être même mardi, il va m'asseoir pour causer avec chacun de vous. On va pas juste se voir comme ça en éclair et gérant. On va causer. Donc je vais m'atteler à cause avec chacun de vous, on va voir des choses, s'il faut dire des choses spécifiques pour vous-même, on va voir par la grâce du Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Quand ça? Mardi. Si tu viens pas, tu es grillé. Amen. Que vous êtes béni mon frère. Vous êtes béni. Ah frère. Vous êtes béni mon frère. Ok frère. Chérie, qui faut que prendre de lait. Oui. Vous pouvez prendre de lait là. Ouf. Ah mon frère. Ouais. Mais tu non, pas dans le c'est moi qui baptise. Ah, non. Peut-être non. Ok. Tu veux baptiser frère? Non, c'est...